Découvrez Julia Guntel, qui est la femme la plus souple du monde. Hein, ça fait toujours fonctionner l'imaginaire masculin. Hein? Julia Guntel est une contorsionniste d'origine russe qui est reconnue comme étant la femme la plus souple du monde. Elle est capable d'éclater des ballons avec son dos. Vous allez comprendre, elle les écrase elle-même. Tu sais, on pourrait... on peut imaginer moins... pas vraiment ce que c'est, mais oui, quand on t'imagine la fille, c'est la plus souple du monde. Ben oui, elle peut péter des ballons avec son dos. Cette femme est incroyable et pour cause, Julia Guntel est totalement élastique. Dans un show télévisé, cette femme a dévoilé l'étendue de ses talents après avoir réalisé une brève démonstration de ses dons de contorsion. Elle nous a montré qu'elle était capable d'éclater des ballons avec son dos. Une fois debout, Julia Guntel a basculé à 180 degrés pour faire se rencontrer le bas de son dos avec ses fesses. Ajoutant une forte pression à cet exercice, elle peut ainsi faire exploser les ballons de baudruche que lui installe le juge du Guinness des records. Cette activité n'est pas d'une mince affaire, d'autant plus que certains ballons résistent encore et encore. Plus difficile, l'exploit qu'est en train de réaliser cette jeune contorsionniste. Cette jeune femme nommée Julia Guntel est d'origine russe qui vit actuellement en Allemagne. Elle est contorsionniste, âgée de 27 ans, est également connue sous son nom de scène Zlata. Sa performance sur ce plateau de télévision a fait d'elle la personne la plus souple du monde et son étonnante flexibilité fascine tous ceux qui assistent à ses performances. Oui, c'est tout à fait fascinant. On ne peut dire mieux. C'est malade, là. Tu sais, quand tu dis... elle a les fesses en arrière de la tête. Imaginez comment tu peux avoir les fesses en arrière de la tête, mais elle réussit à le faire. Une caméra a été installée sous la partie en verre de la table afin de permettre aux téléspectateurs de profiter au maximum de l'étonnante capacité de contorsion de cette jeune femme. Donc, cette jolie blonde a réussi à captiver le public. Tout le monde est fasciné par cette femme élastique et ses nombreux talents cachés. Oui, c'est ça, on a des images qui viennent. Hein? En une minute, cet artiste a réussi à éclater 7 ballons sous la surveillance extrême du juge. Zlata ne prend que peu de place. Cette gymnaste est également capable de se faire toute petite dans une boîte de 50 cm carrés. C'est ce que rapporte toujours le Daily Mail. C'est à l'âge de 4 ans qu'elle a remarqué ce don si particulier dont elle était affublée. Elle a rapidement rejoint un cirque dans lequel elle a pu développer ses étonnantes capacités et ainsi se mettre en avant sa flexibilité. Allez voir, c'est tout simplement spectaculaire, c'est le cas de le dire. Ici, un autre truc qui est complètement spectaculaire, mais pas dans le même ordre d'idée, plutôt dans le côté glauque et non, ça n'a pas rapport. Vous allez voir, 65%, et c'est grave quand même, là, 65% des Brésiliens estiment que les femmes provocantes méritent d'être violées. Tu sais, c'est loin, là, c'est même pas dire, bon, ça peut être des chances, une fille qui est trop habillée sexy, ça peut inciter que... Non! Elle mérite d'être violée pour 65% des Brésiliens. Mais c'est comme impensable dans ma tête. J'ai peine à lire le titre. Donc, un résultat qui a provoqué l'ire de la présidente Dilma Rousseff et des internautes. Je comprends. Une majorité de Brésiliens considèrent qu'une femme portant des vêtements provocants mérite d'être violée. C'est ce que révèle cette semaine un sondage gouvernemental provoquant l'ire de nombreux militants et bien sûr de la présidente Dilma Rousseff sur les réseaux sociaux. Selon ce sondage de l'Institut d'enquête économique du gouvernement, l'IPEA, 65,1% des 3810 personnes des deux sexes interrogées, en plus des gens des deux sexes, tu sais, mettons, on aurait pu dire non. C'est hallucinant. Donc, ont été interrogées 3810 personnes nous disant et ont acquiescé cette affirmation que les femmes portant des vêtements qui laissent voir leur corps méritent d'être violées. Sérieux, moi, je peux pas comprendre, même d'avoir posé la question, on pourrait dire, je sais pas, moi, qui peuvent inciter, qui peuvent peut-être provoquer ou mener à un viol. Non, elle mérite. C'est complètement malade. Dans la même veine, 58,5% des sondés considèrent que si les femmes se comportaient mieux, il y aurait moins de viols. Donc, c'est la faute des femmes s'il y a des viols. OK. Vraiment brillant comme façon de penser. La publication de ce sondage a provoqué une levée de boucliers de citoyens et d'activistes qui ont multiplié sur les réseaux sociaux les condamnations face à cette idée consistant à attribuer à la femme la responsabilité des violences sexuelles. Elle a hallucinant. Dilma Rousseff a elle-même estimé sur son compte Twitter que l'étude démontrait que la société brésilienne a beaucoup de progrès à faire et a appelé le gouvernement de la société à travailler ensemble contre la violence faite aux femmes. Et là, c'est ce qu'elle dit. Elle a écrit sur son compte Twitter « Je ne mérite pas d'être violée ». De son côté, la journaliste militante Nana Queiroz a convoqué une manifestation en ligne sur Facebook appelant les femmes à publier des photos d'elles en petite tenue et arborant le slogan « Je ne mérite pas d'être violée ». Et là, il y a un hashtag, mais bon, c'est en espagnol. Unao Mereco Ser Estuprada. À 23h GMT de vendredi, quelques 20 000 femmes avaient simultanément mis leurs photos en ligne avec le même message. Vraiment, waouh, bel appui, ça, c'est très, très bien. Et là, on voit plusieurs photos qui de femmes avec le même message. Je ne mérite pas d'être violée. Je ne mérite pas d'être violée. C'est vraiment hallucinant qu'une étude sorte pareille en 2014. Le plus surprenant est qu'il est permis de se dévêtir pendant le carnaval, mais pas dans la vie réelle, a protesté la journaliste en soulignant le paradoxe brésilien, un pays où le culte de la sensualité et du corps se heurte au catholicisme conservateur dominant. En août 2013, Dilma Rousseff a promulgué une loi visant à protéger les victimes de violences sexuelles, critiquée par l'Église catholique qui y voit un premier pas à une légalisation plus ample de l'avortement. OK. Question sensible dans ce pays comptant le plus grand nombre de catholiques au monde, 123 millions. Pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 2010, Dilma Rousseff avait cédé aux pressions des églises chrétiennes en s'engageant par écrit à ne pas dépénaliser l'avortement à la déception des féministes et d'une partie de la gauche. C'est incroyable qu'une femme n'ait pas fait justement de rendre ça légal. L'avortement, me semble, c'est un droit de base, là. Il y a tellement de raisons, il y a tellement de situations où la femme, je veux dire, c'est elle qui est libre premièrement de son corps, oui, mais des fois, elle peut avoir été violée, elle peut avoir... Tu sais, c'est ridicule, là, de interdire l'avortement. Il faut vraiment être rendu dans... Surtout dans une planète comme ici, où on est rendu en surpopulation. Je pense que l'avortement n'a pas le choix d'avoir lieu. C'est, en tout cas, c'est vraiment... De toute façon, quand on envoie une phrase comme ça... que les femmes méritent d'être violées parce qu'elles sont habillées sexy. On voit tout de suite qu'il y a un retard flagrant dans ce pays qui est le Brésil. Pour l'heure, l'avortement est seulement autorisé au Brésil en cas de viol. OK, c'est ça, une change. Et ça jusqu'à 8 semaines de grossesse ou quand la vie de la mère est en danger. Une sacrée chance, hein, parce que sinon, ça montrerait encore plus le retard de ces Brésiliens. Hein? Aïe, aïe. Et tiens, on va aller vers ça tantôt. Un 4x4 qui fait plouf. Eh bien oui, c'est un Russe qui voulait s'amuser. Et en ce moment, je vous le propose pas. Oui, on a eu beaucoup de neige, on a eu du froid, tout ça. Mais ça pourrait arriver ici même, au Québec. C'est un Russe qui voulait s'amuser avec son 4x4 sur un lac gelé qui a connu une sacrée mésaventure. La glace s'est brisée sur le poids du véhicule qui a sombré dans les eaux froides. Bris de glace, c'est effectivement très drôle à faire des tours de voiture sur la glace d'un lac gelé seulement. Et il faut s'assurer que l'épaisseur de la glace est suffisante pour supporter le poids du véhicule. En engageant donc sa voiture, son 4x4 sur le lac, un conducteur russe avait visiblement mal anticipé le poids de sa machine. Lorsque la voiture a brisé la glace, le chauffeur a heureusement pu s'extraire du 4x4. Il n'a en revanche pu rien faire, sinon sauver quelques effets personnels et n'a pu qu'assister à l'irrémédiable disparition de son véhicule dans les eaux froides du lac. Ben oui, c'est des choses qui arrivent quand on pense pas. Non, mais quand même. Et tiens, on s'en fait une dernière avant d'aller avec... on n'a pas l'infocampus. Avant d'aller en pub, eh bien, c'est pas de sexe avant le divorce. Ben, c'est pas supposé, hein, parce que si tu te divorces, c'est que tu y a plus grand amour là. C'est un sénateur américain qui souhaite interdire, c'est assez particulier quand même, et ce que j'ai dit, hein, c'était un peu loufoque, parce qu'on sait très bien que sexe et amour, oui, pour que ça va ensemble, mais autant que non, ça va pas ensemble, ça peut avoir aucun rapport, hein. C'est clair. Donc, un sénateur américain souhaite interdire les rapports sexuels pour les couples qui sont en instance de divorce. Ce sénateur républicain du Massachusetts, du nom de Richard G. Ross, souhaite faire passer une loi visant à interdire les rapports sexuels au domicile conjugal dans le cas d'un divorce ou d'une séparation lors de présence d'enfants au sein de la cellule familiale. Ainsi, pour une personne en instance de divorce, le projet de loi S-787 impliquerait l'interdiction de rapports sexuels avec son ex-conjoint au domicile conjugal sans autorisation préalable d'un juge. L'interdiction pour la personne du couple restée dans le domicile conjugal d'y faire venir un rendez-vous galant sans autorisation préalable du juge. Ces interdictions potentielles seraient levées lorsque le divorce serait officiellement prononcé. Ben, moi, j'avoue que... Mais faut être conséquent quand même, hein? Ça, c'est... On ne peut que dire cela et on peut pas dire que ça a pas de sens, quand même. Un petit peu de conséquence.

Un cola, cheeseburger, un happy cheese, je sais pas quoi avec du topping dessus, extra topping, oui. On a un McFlurry, un Coke, etc. En tout cas, une bonne commande de ce jeune Norvégien qui peut désormais revendiquer un tatouage pour le moins original, sinon absolument unique. Il s'est fait graver sur son avant-bras sa dernière addition dans un McDonald's. Et il s'appelle Stian Jæderdal, un jeune Norvégien de 18 ans qui s'est fait tatouer une œuvre entre guillemets, hein, qui fait le tour du web en ce moment. Et pour cause, son tatouage représente sa dernière commande dans un McDonald's de Slovenhamvalen en Norvège. Fier de lui, il a autorisé une publication d'une photo de son avant-bras sur le compte Facebook de son tatoueur. Hein? C'est sympa de penser que je porte un tatouage que personne n'a jamais eu avant moi, a-t-il indiqué au journal local le Roman Reich Blad. Et on nous dit que la nature de son tatouage pourrait penser qu'il s'agit d'une mauvaise blague, comme dans le film Very Bad Trip. Seulement, le jeune homme était bien consentant. L'idée lui est venue après un pari, révèle le journal Mirror. Ces derniers lui avaient donné comme mission de se faire tatouer une Barbie ou une addition de repas. Je trouve ça marrant, peut-être que ce ne sera pas aussi drôle quand j'aurai 50 ou 60 ans, mais pour l'instant, c'est mon choix. Désormais, Stian se souviendra toute sa vie avoir commandé un Coca-Cola, 3 cheeseburgers et un McFlurry le 24 mars 2014 à 19h35. Parce que c'est vraiment, on la reconnaît. T'sais, même nous ici, au Canada, on a les mêmes factures que McDo. Et ça a le look d'une facture de McDo, d'une commande. T'sais, bravo. Bravo l'inutilité. Hein? On pourrait dire ça comme cela. Ça, c'est un gros projet. Oh, tiens, on y va avec ce gros projet. On a le temps. On parle femme polygame. Hein, ça, on entend moins souvent. C'est un peu tabou. Un projet de web documentaire entre le Népal, l'Inde et la Chine. Quand une femme s'unit à plusieurs hommes, on appelle ça de la polyandrie. C'est l'inverse de la polygynie, un homme avec plusieurs femmes, et la forme de polygamie la moins connue. Trois jeunes journalistes français se proposent d'explorer cette pratique à travers un projet cross-média en 4 volets. Une série documentaire radio en 3 volets intitulée Polyandrie, diffusée en mars 2014 sur France Culture. Une publication associée dans la revue France Culture en papier et des articles de presse magazine au cours de l'année 2014 et surtout Femmes polygames, un web documentaire qui est en cours de production. Interactif, ce documentaire part à la rencontre des peuples qui pratiquent la polyandrie au Népal, en Inde et dans une ethnie chinoise. Vous imaginez peut-être des harems au masculin, des femmes puissantes et indépendantes qui détiennent l'autorité, un renversement des rôles de la famille, peut-on lire sur la page Kiss Kiss Bang Bang du projet. Rien de tout cela, marié ou amant, plus ou moins officiel ou avec ou sans consentement. Les pratiques de cette polygamie méconnue, aussi diverses soient-elles, ne vont pas de pair avec le matriarcat. Ce modèle familial nommé polyandrie étonne car il est rare. Il tend d'ailleurs à disparaître sous sa forme traditionnelle. Dans la bande-annonce de ce web documentaire en cours de financement, on apprend que la polyandrie est souvent liée à la situation économique ou démographique d'un pays concerné, des pays concernés. Si chacun vivait de son côté, nous n'aurions pas de quoi nous nourrir, confie une Népalaise, ajoutant qu'en vivant avec plusieurs époux, elle peut ainsi manger à sa faim et éduquer ses enfants. En Inde, c'est différent. La polyandrie résulte d'un déséquilibre démographique entre les deux sexes. C'est ce qu'explique une femme. Trop d'hommes par rapport aux femmes. Du coup, on se débrouille et on trouve des arrangements. Le modèle familial évolue. Il est parfois aussi subi et peut dériver vers des viols familiales. Pour rencontrer ses familles, il a fallu monter à 3000 mètres, marcher dans la neige avec des ânes pour transporter de la nourriture, attendre des heures assises dans les champs avant de pouvoir aborder quelqu'un. C'est ce qu'écrit l'une des trois auteurs du documentaire. On s'est fait cracher dessus par un papy chinois. On a mangé des citrons macérés dans les épices par 40 degrés, cherché des traducteurs de dialectes que personne ne traduit. Autant d'aventures et de défis qui nourrissent le projet Femmes polygames, dont les images sont assorties de dessins en noir et blanc. Voici la bande-annonce sur la page Facebook du Dîner de cons. Allez voir ça, ça fait différent de ce qu'on est habitué de voir et ça nous montre une partie du monde un peu, ben, même beaucoup, vraiment méconnue. Hein? C'est cela. Tiens, ici, on s'en va dans un autre ordre d'idées. Hein? On s'en va vers les choses les moins sérieuses. On parle de ce chien à deux pattes qui profite des joies de la plage. La vidéo est vraiment, mais vraiment sympathique. C'est le fun de voir cette joie de vivre et ça donne espoir. Un chien amputé, pour vrai, un chien amputé de deux pattes arrière profite des joies de la plage. Duncan Luhu, est un boxeur amputé des deux pattes arrière à la naissance. Ses deux dernières étaient tellement déformées qu'il a fallu amputer le chien. Mais ce handicap ne dérange pas du tout le joyeux petit chien pour profiter pleinement de la vie. Une vidéo postée sur YouTube montre Duncan Luhu s'amuser à la plage. Le chien court sur ses deux pattes avant et semble oublier totalement qu'il en manque deux en arrière. Il fait son ballon un peu comme un kangourou avec sa queue et il s'empêche de tomber. Sa queue peut toucher une fois de temps en temps. C'est génial. Duncan a bien raison de profiter. Les images qu'il nous offre sont tellement vivifiantes et porteuses d'espoir. C'est exact. J'avais pas lu l'article et c'est ce qu'on montre. C'est ce que ça montre. C'est comme un poulet, finalement. Un petit poulet. Il se promène sur ses deux pattes. C'est à voir, c'est adorable, c'est drôle. Je suis pas du genre à mettre des photos de chiens puis des vidéos de chats, des enfants de même. Mais quand on voit quelque chose comme ça, c'est ça le dit, c'est porteur d'espoir. C'est bien. On va aller vers quelque chose d'un peu moins ludique. On va aller plutôt vers plutôt l'archéologie. C'est les Vikings qui étaient capables de naviguer la nuit grâce à un étrange disque. Je vous parle de ce disque. Selon une nouvelle étude, les Vikings utilisaient un disque appelé le Hunaktok, couplé à la pierre de soleil pour s'orienter en mer durant la nuit. L'histoire se souvient des Vikings comme de redoutables pilleurs sans le moindre scrupule. Cette sinistre réputation cultivée au cours des siècles semble avoir pris petit à petit le pas sur la véritable nature de ce peuple marin aux facultés de navigation exceptionnelles. Les Vikings étaient en effet capables de traverser tout l'Atlantique du Nord le long d'une ligne presque droite. Pour réaliser un tel exploit, ils s'aidaient d'instruments certes primitifs mais remarquables leur permettant de s'orienter. L'un de ces instruments, connu sous le nom du disque de Hunaktok, est un petit rond en bois. L'objet a été retrouvé en 1948 lors de fouilles dans un couvent situé au sud-ouest du Groenland. Bien que la seule moitié de l'objet ait été retrouvée, les chercheurs la décrivent comme une sorte de roue dentelée d'environ 7 cm de diamètre. Dès sa découverte, le disque de Hunaktok a créé un débat opposant deux courants de pensée différents quant à sa nature. Certains chercheurs voyaient effectivement cet objet une simple fonction décorative et d'autres, au contraire, présumaient déjà de son importance dans la navigation, allant jusqu'à invoquer le rôle crucial joué par l'instrument lors de la traversée historique de 2500 km depuis la Norvège jusqu'au Groenland. Une équipe d'archéologues de l'Université de Lorraine-Est-Vosen en Hongrie s'est récemment repenché sur ce mystère. Leur étude a consisté à examiner et analyser le disque de Hunaktok avec les outils de recherche actuels afin de proposer une interprétation plus juste. Les résultats publiés dans la revue Proceeding of the Royal Society a confirmé l'usage de cet objet dans la navigation. Selon les chercheurs, le disque de Hunaktok a certainement été utilisé non pas de manière indépendante, mais combiné avec d'autres instruments. L'objet en bois permettait aux marins d'utiliser la pierre de soleil pour s'orienter même lorsque le soleil était bas dans le ciel, voire en dessous de l'horizon. De cette manière, la navigation était possible au-delà du coucher du soleil et en s'appuyant sur les lueurs du crépuscule, pouvant durer toute la nuit à ces hautes latitudes. Belle nouvelle, merveille de l'histoire et de l'archéologie de nos amis les Vikings. Et puis c'est vrai, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je dirais, il sort d'autres visions des Vikings que celles qu'on a depuis longtemps. Hein? Alors, on s'en fait une petite dernière? Oui, on s'en fait une petite dernière avant de poursuivre en musique. Je vous parle du Crabster, qui est une nouveauté technologique qui va révolutionner les explorations sous-marines. Donc, il est sur le point de révolutionner les explorations scientifiques et archéologiques sous-marines. Dites bonjour au Crabster, le CR-200, un monstre mécanique de 635 kg, de 2,4 mètres de long et de 2,4 mètres de large et de 2 mètres de haut, conçu par l'Institut coréen des sciences océaniques. Ce droïde à l'allure d'un crabe homard devrait être assez fort pour tenir debout sur ses 6 pattes et affronter tous les courants. Il sera testé pour une deuxième fois très prochainement sur une profondeur de 200 mètres. S'il travaille bien, il sera ensuite envoyé en mer Jaune afin d'aider les archéologues à examiner des épaves datant du 7e siècle.

voir une référence à l'ichthus, premier symbole des chrétiens constitué de deux arcs et de cercles formant un poisson. Les instigateurs des farces du 1er avril étant des chrétiens conservateurs, on peut considérer cette version comme étant la plus vraisemblable. Autre explication logique, lors du prolongement de la période du carême, seul le poisson est autorisé. Quoi qu'il en soit, la tradition a eu aussi probablement été motivée par les coutumes des différents carnavals européens, lors duquel le poisson est souvent à l'honneur. Au carnaval de Dunkerque, eh bien, par exemple, le Figman a régulièrement un poisson au bout de son bâton. Quoi qu'il en soit, bon 1er avril et attention à tout ce que vous allez lire, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire aujourd'hui. Hein? On peut dire ça comme cela. Burger King paye un motel à ses clients infidèles. Trois petits points au Whopper. C'est une vidéo à aller regarder qui est assez sympathique. Donc, comment faire la promotion d'un nouveau produit lorsque votre marque est forcément associée à un autre? C'est la question à laquelle Burger King Nouvelle-Zélande a dû répondre pour mettre en avant ses Tender Crisp Chicken Burger, de nouveaux hamburgers au poulet. Forcément identifié à l'indétrônable Whopper, la marque a joué à fond la carte de l'infidélité pour encourager ses clients à trahir son hamburger phare et à essayer ce nouveau produit. Or, qui dit l'infidélité dit hôtel ou plutôt motel dans ce cas précis, d'où cette idée royale, construire un motel à l'effigie de la marque. Chausson Burger, Savon Burger, gel douche Burger King, robe de chambre Burger King, l'établissement a tout d'un hôtel à un détail près, il n'y a pas de lit. Normal, puisqu'il s'agit ici de manger. Les Néo-Zélandais peuvent d'ores et déjà réserver une chambre, salle à manger pour 4 personnes sur la page Facebook de l'opération. Viralité oblige, ils sont également invités à y faire leur check-in avant de publier leurs photos avec un hashtag bien précis. Les spots vidéo qui font la promotion de l'opération poussent même le vice un peu plus loin. La preuve, eh bien, la firme s'est offerte l'image de Sir Peter Lynch, un boucher bien connu de ce pays où sa réputation n'est plus à faire. Un motel, une idée, mais aussi une première. Pas vraiment, en 2008, Burger King avait utilisé la même recette pour faire de la pub de un de ses hamburgers au poulet. Dans un motel, un client savoure son sandwich jusqu'à ce que quelqu'un cogne à la porte avant de se faire sortir de ses gonds. C'est une vache furieuse d'avoir été ainsi trompée. Preuve que la marque reste fidèle à ses bonnes idées. Allez voir ça. Génial. C'est très, très bien. Ah, wow. Ici, c'est drôle. C'est des logos de chez... De nourriture rapide qui ont été détournées. C'est bien drôle. Allez voir ça. C'est en lien, ça aussi, avec ce même article. Sexisme. On change tout à fait de sujet cette fois-ci. On parle de sexisme, oui. On parle de politique et on parle d'être une femme en politique et surtout en Italie. C'est à cause d'un montage douteux que Maria Elena Boschi s'est fait un nom à l'échelle internationale. Et j'avoue que c'est pas de grand goût, mais quand même intéressant à voir. Le ministre italien des réformes constitutionnelles et des relations avec le Parlement a pris un virage sexy aux dépens de la nouvelle occupante des lieux. Malgré elle, Maria Elena Boschi s'est fait un nom à l'échelle internationale. Une photo de sa prestation de serment l'a faussement fait apparaître avec un G-string dépassant de son pantalon au moment d'apposer sa signature sur les documents officiels. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de commentaires dégradants sur la ministre et des remarques désobligeantes sur l'Italie. Mais ce qui arrive, c'est que c'est un faux, c'est un montage, c'est du Photoshop qui a été fait. Alors, c'est pas très correct. Hein? Il s'agit d'un montage douteux et symptomatique du sexisme auquel doivent faire face trop de nombreuses politiciennes, et surtout en Italie. Qu'importe, montage ou non, et là, c'en était un, vous irez voir. Eh bien, certains se délectent de ce cliché, et c'est le cas du journal allemand Bild qui présente le cliché sur Facebook d'une bien étrange manière. Comme l'indique le Huffington Post, il y a de bien belles femmes en Italie cette année et il y a même une ministre sexy, Maria Elena Boschi. Il devient évident que les hommes veulent en voir un peu plus d'elle, bien que n'étant pas authentique, cette photo reste un plaisir pour les yeux. C'est ce qu'on avait écrit dans un journal sérieux d'Allemagne. Le spectre de Silvio Berlusconi et de ses mœurs légères semble continuer à planer sur l'Italie. Et Maria Carfagna avait créé l'émoi en intégrant le cabinet ministériel du Cavaliere en 2008 à cause de son passé de pin-up. Elle a alors visiblement créé un précédent dont Maria Elena Boschi se serait bien passée, préférant sûrement se concentrer sur le projet de loi préparant la suppression des provinces italiennes. On va défaire les provinces italiennes. assez particulier. Hein? Ça, c'est jamais une bonne idée, par contre. C'est comme les fusions au Québec. C'est têtu de la crotte. Et puis, on vit avec ça chaque jour. Et puis, on paye des taxes beaucoup plus chères pour rien. Hein? Moi, je le sais, on habite Pointe-du-Lac et c'est ce qui arrive. Ici, une nouvelle vraiment très, très choc, c'est le cas de le dire. Les médecins refusent de l'amputer. Cet homme se construit une guillotine et se coupe la main lui-même. OK. Hein? Dans une interview accordée au Daily Mail, Mark explique qu'il souffre depuis 16 ans d'importantes douleurs au bras causées par un accident de moto. Face à cette douleur insurmontable et insupportable, l'homme a tenté à plusieurs reprises de convaincre les médecins de lui couper une partie de son membre, une demande qu'ils ont catégoriquement refusée à chaque fois. Très remonté, Mark a donc décidé de s'amputer lui-même. Pour ce faire, il a fabriqué durant 2 semaines une guillotine dans son garage avant de franchir le pas. Oh, les images sont... c'est fait. Ouf. Une fois coupé, Mark a jeté sa main dans un brasier qu'il avait préparé quelques minutes auparavant. C'est sa femme qui a découvert le terrible geste de son mari en rentrant 10 minutes plus tard et qui a appelé les secours. Malheureusement, malgré l'amputation, Mark souffre toujours et il menace ses médecins de se couper tout le bras s'il ne l'opère pas. Occupez-vous donc de lui, là. Ça va pas bien, on le voit bien. Je pense pas que le gars, si ça ferait pas mal, il se serait pas coupé la main. Je pense pas que ça soit un choix et sa première idée, hein. Ici, nouvelle tout à fait glauque, mais dans un autre ordre d'idée complètement. C'est une histoire, un jeune homme, leur fils de 4 ans, qu'ils enfermaient dans une cage 14 heures par jour. Atroce. Ses parents devraient être justement mis en prison à vie. Suzanne Satterfield et son compagnon Jonathan Lee ont été arrêtés pour maltraitance par la police de Chelsea aux États-Unis. Ils sont accusés d'avoir enfermé leur enfant de 4 ans plus de 14 heures par jour dans une cage. C'est exactement le même nom, le genre de cage là, qu'on met des chiens dedans. C'est hallucinant. Donc, c'est un travailleur social qui a alerté les autorités après avoir découvert le petit garçon de 4 ans enfermé dans une cage pour chien. Interrogé par la police, le couple a reconnu les faits. Ils ont expliqué qu'ils agissaient ainsi pour le bien du garçon et surtout pas être dérangés quand ils écoutent la télé. Hein? Aïe, aïe, quand ils sont en train de boire ou je sais pas quoi, vous verriez à mer, là, ça fait peur. La cage était utile pour lui inculquer la discipline. En moyenne, le garçon passait 14 heures par jour enfermé dans la cage et son calvaire a duré plus de 3 semaines. À 4 ans. Bravo, en tout cas, hein, c'est ridicule. Tiens, on s'en fait une autre là, pour aller changer un peu notre sujet. On parle dans l'Hérault, en France. Eh bien, 100 rossignols du Japon ont été retrouvés dans une voiture sur l'autoroute A9. 100 rossignols du Japon, une espèce protégée par la Convention de Washington, ont été découverts à bord d'un véhicule contrôlé sur l'A9 par des douaniers de Montpellier. Les oiseaux, dont le prix de revente est de 165 à 200 euros, étaient répartis dans 5 caisses en bois fermées par un filet, a précisé la même source dans un communiqué. 2 personnes se trouvaient à bord de la voiture, 2 hommes de 24 et 27 ans, qui ont pu fournir les documents les autorisant à les transporter, ces volatiles. Les rossignols, après une inspection sanitaire, ont été confiés à un centre de sauvegarde dans les Landes et la voiture a été saisie. Une enquête a été ouverte par le Service national de douane judiciaire et la Direction générale des douanes rappelle qu'il y a quelques jours, les douaniers d'Orly avaient saisi 54 hippocampes séchés dans les bagages d'une passagère en provenance de Dakar, destinée, selon cette femme, à agrémenter des préparations culinaires à base de riz. En 2013, les services douaniers français ont saisi 1450 animaux vivants, rappelle encore la direction des douanes, soulignant qu'une de ses missions est de protéger la faune et la flore menacées d'extinction. Ben, continuez à faire votre beau boulot, messieurs les douaniers. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Pif, papapau. Bif, baf, boum. Kapow. On se créerait dans une émission de Batman. Mizine, sais-tu qu'il y avait Batman? Autour de sa ceinture? Un paquet de Bad Gadget? Hein? C'est un lien vers ça existe, mais ça ne devrait pas, là. C'est sexiste, mais ça ne devrait pas. On a la chronique des gadgets inutiles qu'on se procure sur Internet un petit peu partout, avec mes conseils, bien sûr, et ceux de Stéphanie qui vont dire « Achetez pas ça, ça sert à rien ». Donc, on va commencer avec des trucs qui se passent pour des cintres, qui se prennent pour des cintres, en fait. Des cintres, c'est des supports pour mettre les vêtements. On connaît ça, les cintres, c'est le mot qu'on devrait utiliser, mais qu'on n'utilise pas parce que c'est pas un très bon mot. Donc, pourquoi prendre juste des petits crochets à l'arrière de votre porte, comme on a ici en studio pour mettre les manteaux, qui font que la porte ne peut plus s'ouvrir parce qu'il y a trop de manteaux dessus, mettons. Ah, il y a des crochets en arrière de la porte? T'as pas vu ça, hein? Parce qu'on arrive et on est déjà sans manteau, nous. C'est ça, on est Mathieu et Stéphanie sans manteau. C'est ça, parce qu'on est des employés, alors que les autres arrivent avec leur manteau en studio. Mais bref, donc pourquoi juste prendre un petit crochet à l'arrière de sa porte pour, mettons, les serviettes, les robes de chambre, alors qu'on peut avoir tout un rack, mais qui ne paraît pas visuellement. C'est les hinge and hang qui s'attachent à n'importe quelle penture de porte. Donc, c'est vraiment comme des supports qui restent compacts lorsqu'ils ne s'utilisent pas. Ça peut tourner quand on en a besoin. Donc, c'est un télescope, un genre de rod, un genre de bâton de métal en télescope qui peut passer de 14 pouces à 32 pouces, permettant de mettre entre 8 livres, oui, de vêtements, ou 30 à 40 vêtements différents très facilement. Donc, c'est parfait pour sauver de la place, économiser de l'espace dans la salle de bain, la salle à coucher, je sais pas trop quoi, n'importe quelle mais pièce. Mais c'est vraiment génial! Hello! Ça, c'est vraiment cool! Parce que, en plus, moi, j'ai un crochet que tu mets par-dessus la porte de la salle de bain. Ah, j'ai ça. Mais quand tu fermes la porte, ça coince toujours en haut, puis ça décolle la peinture, ça arrache des morceaux de porte. Puis honnêtement, ceux du Dollarama que tu vises dans la porte, là, ça arrache tout le temps, même si tout est vissé. Puis je visse super bien. Puis on sentait même ceux qui collent. C'est ça, ceux qui collent et ceux qui vissent. Il n'y en a pas de bon. Il n'y a rien à faire avec ces crochets-là. Donc, procurez-vous le Hinge and Hang, disponible via assemblagerequis.com. C'est vraiment disponible, là, je peux l'acheter? C'est disponible en ce moment même, si tu veux. OK. Ouais. C'est combien? Donne-moi ben, le prix. Ouais, ben j'ai les prix, mais c'est avec mon texte sur le lien jaune, j'ai tendance à ne pas voir les liens. Ah, là, c'est sur Amazon.com. Ça coûte 30$ environ. Pas trop dur. Pour un coin. Quand même dispendieux. C'est quand même. Moi, ouais, mais imagine l'investissement que tu vas avoir pendant les prochaines années à accrocher ton linge facilement. Il y en a pour moins. J'en vois ici pour 15$, mais je m'assurais que c'est la bonne marque. Le Hinge and Hang a l'air d'être son propre principe. Lui, il est à 30$. Il y a des versions plus cheap à 15. Ben, c'est sûr que tant qu'à acheter 30 crochets cheap qui vont péter. Ouais. T'sais, mettons, t'en avais un dans ta salle de bain, un dans ta chambre à coucher, ça t'en fait peut-être deux. Mais ça en fait, $60. Tu peux même en mettre deux dans la salle de bain parce que tu peux en mettre sur la peinture du haut, sur la peinture du milieu. C'était assez tu peux grand en mettre pour sur la peinture du bas pour les bobettes si tu veux. Ah oui! Les bas et tout ça, ben oui. C'est fort, bonne idée. Donc, Hinge and Hang. Ensuite, on reste dans le domaine des supports. C'est des supports magnétiques, des cintres magnétiques. Évidemment, les cintres, on sait, c'est essentiel, on en a besoin. Mais on n'aime pas ça. Souvent, les vêtements vont tomber. Des fois, les supports vont casser. Moi, quand je mets un manteau sur un cintre trop cheap, ça m'arrive souvent de casser un cintre parce que mon manteau est très, très lourd. Donc, il vous faut les Click Magnetic Hangers. À la place d'être des crochets de métal, Click fonctionne avec des aimants. Dans le dessus du cintre. Il y a un tuyau métallique. Et puis, tu accroches ça. Ça peut supporter jusqu'à 4,4 livres. C'est fait pour économiser de l'espace à la verticale. C'est fait pour être plus beau. Et ça crée un espace égal entre chacun de vos cintres. Ça vient en blanc, noir ou couleur naturelle, qui est un genre de beige. C'est en bois, finalement. En genre de bois. C'est fait plus pour les boutiques, évidemment, qui afficheraient ça dans leur magasin, plus que le grand public. Mais quand même, d'où le prix, 210 pour 3. 210$, oui, pour 3 cintres. C'est excessivement cher, mais quand même, c'est joli. Mais on s'entend, 4,4 livres, c'est pas beaucoup, là. Je pense qu'accrocher ton manteau, déjà, ça fonctionnerait pas pareil. Non, ça, c'est sûr que non. Ça serait pour un petit chandail, là. Et t'as vu que l'angle du cintre est très, très en pente. Donc, je me demande qu'est-ce qui tiendrait vraiment après ça. Ben oui, t'as bien raison. Je trouve ça drôle. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne si... Un col roulé. Ah oui. C'est juste plate, ça soit comme moyen pu à la mode. C'est comme, il n'y a pas ça dans les magasins, mais mettre en des cols roulés. Hein? Je sais pas, j'en ai pas vu. Non, hein? Pas récemment, en tout cas. C'est comme les modes coton, hein? Ça finit par tout fermer, ça. Ça le pète. Ça le pète, oui. Le retour de ça le pète. Hein? Ensuite, ah tiens, quand t'as envie de manger, tu sais, t'es mal pris. Là. T'as vraiment envie de manger là. T'sais, tu veux pas salir les doigts, tu veux manger là, pas avec tes mains. T'as pas d'ustensile avec toi, puis trouver des ustensiles de plastique, mettons, dans un repas que t'as pris pour emporter. Mettons, t'es en train de déménager, tu commandes une pizza, ils t'ont pas mis d'ustensile parce que tu l'as pas demandé. C'est difficile. Il te faut un canif à ustensiles. Il y a déjà des ustensiles dans certains canifs, des petits ustensiles vraiment cheap. Mais ici, c'est le case hobo, qui est comme un couteau de l'armée suisse là, pour les gens qui aiment manger sur la route. Ça se plie et se déplie pour révéler une cuillère, une fourchette et un couteau. Il y a une poignée en os. C'est vrai, en os. Ah ouais? Amber bone handle. L'ustensile est fait d'acier chirurgical, donc c'est super fancy pour manger bien. Et bien sûr, on ne pourra pas utiliser les trois ustensiles en même temps. Il va falloir y aller une à la fois. Mais ça coûte 70$ pour ce canif-là. Il est quand même beau. Oui, j'ai pas ça. Ça peut être pratique pour les gens vraiment amateurs de camping sauvage, par exemple, où il faut que tu apportes le moins de stock possible. Nous autres, on a une... Comment ça s'appelle, donc? Une spork. Oui, une sport, cuillère, fourchette en même temps. C'est ça. C'est couteau aussi. Ah oui? Moi, la mienne est couteau. Mais comment tu le dis, dehors? C'est une spark, là, okay. Pareil. Parce qu'à un moment donné, il y a comme trop de consonnes pour le nombre de voyelles. Mais ça peut être pratique. Sinon, toi, pour tes lunchs, oui. T'as quand même une version moins dispendieuse et tout aussi efficace. La version Tupperware! Okay, ouais! Alors, plastique, emboîtable, clipable ensemble, c'est génial, ça. J'adore ça. Moi, t'es aimes-tu? Je les adore. Pour vrai? J'adore ça. J'espère, c'est moi qui t'es donné. Mais merci. T'es tellement fine. Il faudrait que je te remercie 1000 fois, en fait, pour tout ce que tu fais pour moi. Non, mais ils vont bien. C'est vrai. Puis, je te donne des trucs que je peux même pas me procurer moi-même. Parce que tu l'as pris des échantillons. C'est ça. OK, bon, bref, on s'embarque dans les détails. Ensuite, on reste dans la nourriture. On y va avec des bouteilles d'eau. Tu sais, c'est très à la mode de traîner sa bouteille d'eau. En fait, c'est une mode que cette fois-ci, on peut la soutenir, cette parce mode-là. Parce que c'est santé. C'est santé. Il faut arrêter de prendre des bouteilles de plastique. Parce que c'est pas écologique. C'est pas écologique du tout. Ça s'empile, ça, dans un site d'enfouissement sanitaire. C'est pas le fun. Donc, Liquid Hardware, qui prend les bouteilles de métal et les améliore en ajoutant plein de choses à leur Sidewinder bottle. C'est du magnétisme. Donc, chaque bouteille, qui est évidemment super, comment tu dis ça, insulated, là, genre isolé, c'est ça, pour le froid et pour le chaud, c'est en acier inoxydable, etc. Et chaque couvercle est magnétique. Donc, tu peux coller deux bouteilles ensemble pour faire une bouteille double, pour avoir deux fois plus d'eau. Chaque bouteille peut contenir 20 onces et il y a un vacuum, un effet d'aspiration pour garder votre boisson très très froide jusqu'à 24 heures ou super chaude jusqu'à 8 heures. Cool! Et en plus, c'est que non seulement l'aimant sert à attacher deux bouteilles ensemble, mais c'est que vous pouvez attacher votre bouteille, admettons, à un réfrigérateur pour ne pas l'oublier le matin. Ah? Et dans ta face quand tu ouvres le frigo. Mais j'imagine pas quand la bouteille est pleine, ça doit être trop pesant. En effet. Okay. Très bon point, en effet. Tu pourrais justement peut-être la faire la vider, la laver le soir et la mettre peut-être même à l'envers sur ton réfrigérateur pour vraiment faire complètement égoutter l'eau qui va s'évaporer sur ton plancher. Ouais, c'est ça. Qui va te faire t'enfarger et te péter la face dans le gâteau au chocolat et dans ton frigidaire. C'est seulement. Et pour terminer, non seulement ça, tous ces avantages-là sont vraiment fabuleux, mais ensuite, tu peux même prendre le couvercle, le capuchon de la bouteille, mettre ça dans un verre d'eau, et ça va faire quoi? Te donner le nord magnétique! C'est une boussole! Je te jure. Ouais, ça marche pas avec n'importe quel aimant, ça? Je sais pas. C'est ça qu'on faisait ça quand on était petit, on mettait une aiguille sur un aimant, qu'on mettait ça sur l'eau. Ça indiquait le... C'est possible, mais ils vendent ça comme un avantage, un atout de plus. Mais bon, peut-être qu'en effet, ça vient avec tous les aimants. J'en ai aucune idée. Ben, sais-tu, mes notions de science du primaire sont loin. Tes notions, comme on dit. C'est ça. Maintenant, tiens, on revient un petit peu dans le passé. Les téléphones intelligents sont bien à la mode. Encore une fois, tout est à la mode en ce moment. Mais on aimerait ça des fois retourner à une époque un petit peu plus papier. Mais quand t'arrives pour revenir à une époque plus papier, ça c'est une poule qui disait tu vas toujours revenir à une époque, mais tu voudrais avoir les applications que t'as encore aujourd'hui, tu sais. Si on revient à un agenda papier, puis là t'as juste des cases pour les jours, on va s'entendre que c'est pas assez, hein? Donc, c'est la compagnie Levenger qui nous fournit cet agenda imprimé-là avec des formulaires qu'on peut ajouter à l'intérieur. C'est un système qui s'appelle le Smart Planner Master Agenda. Ça vient avec des applications papier. Hein? C'est cool, ça. Donc, t'as l'agenda normal. Ensuite, si on regarde, c'est super décrit sur assemblagerequis.com, mais t'as un horaire de voyage, t'as un scheduler, donc des notes un petit peu plus sur un horaire fixe, des choses à faire. Ça, c'est vraiment une page que t'ajoutes. T'as le keep and share, où tu peux écrire des choses à gauche et à droite, et la version de droite se détache avec des pointillés. Ah, c'est cool! Pour donner à quelqu'un. T'as des listes, évidemment, qu'on peut encore une fois détacher pour avoir deux copies. T'as même une portion Doodle pour faire des petits dessins, des pages pour faire des dessins dans ton agenda. Oh, des feuilles de contact, des notes de réunion, une station guidée où tu peux faire du brainstorming avec des cases de couleurs, codage couleurs. Donc tout ça, on peut se procurer ça sur le site de Levenger. C'est comme un téléphone intelligent, mais rétro. Ben c'est cool. Pour vrai, je trouve ça fort. Moi, j'aime ça. En vrai, c'est plus facile aussi de visualiser. Quand c'est papier, tu peux mettre les trucs côte à côte. Mais ça me semble dispendieux, non? Ah oui, c'est sûr que c'est dispendieux. Je vais aller voir sur le site de l'Avenger parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de papiers différents. Donc, il faut faire ses propres combinaisons. Il y a des package deals donc, que tu peux acheter tout d'un coup ensemble. On va aller sur l'Avenger.com, L-E-V-E-N-G-E-R.com dans leur section... attends un peu. Ici, mettons... où est le magasin? Où est le magasin? OK, donc t'as des portefeuilles aussi, t'as des trucs pour tenir des crayons. Ils en font beaucoup des choses quand même, eux autres. Hein? Je pensais pas qu'il y avait autant d'affaires que ça, sinon ça aurait été pas mal plus facile à trouver. Journals and Folios est la section sur les agendas. Et puis on va y aller avec, mettons, le Folio Leather, 150$. Ouais, ça c'est juste pour le cahier. T'as un cahier qui dure sur 5 ans, qui est juste à 25$, mais ça c'est un cahier de papier. Donc t'as vraiment une gamme de produits incroyable, mais ça varie de prix jusqu'à dans les 200$ facilement pour certains de leurs cahiers. J'aurais tendance à rester avec le iPod qui, lui, tu peux faire beaucoup plus de choses et qui risque de durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'une fois que tu as écrit dans une page, tu peux pas effacer. Ouais. C'est vrai. Mais c'est le prix à payer pour avoir du papier devant toi. L'odeur du papier, de l'encre. T'écris là avec ta plume pour ton agenda. Ouais. Mais tu te sers l'application comme sur ton iPhone. Ça, c'est cool quand même. Ensuite, pour les gens qui vont aller à l'extérieur cet été, peut-être en pique-nique, c'est le Insect Shield Outdoor Blanket, ou là même, c'est féminin, qui repousse les moustiques, les puces, les mouches, peu importe, pour que vous puissiez passer plus de temps dehors sans avoir à mettre du spray, des pesticides partout. Donc, c'est une couverture remplie de permétrine. C'est une protection pour contre les insectes, sans odeur et complètement invisible, qui est tissée à l'intérieur du tissu même. Donc, c'est une façon sécuritaire pour les gens, pour les animaux de compagnie. Donc, tu peux vraiment amener tes animaux de compagnie et tu n'auras pas de puces parce que c'est une des choses que permétrine élimine, les puces. Donc, façon facile de pique-niquer en famille avec vos animaux de compagnie. Parfait pour le bois, pique-nique, la plage ou juste dans votre cour arrière. C'est cool, hein? Je capote. Insect Shield Outdoor Blanket. Et ça, on retrouve ça sur, évidemment, sur assemblagerequis.com. Tous les liens sont là. Sur le site de solutions.blair.com, on retrouve ça pour 40$. Ben, c'est pas si pire. Pas si pire. Encore une fois, un investissement qui va durer l'été au complet. Ben, plus que ça. Plus que ça, pour vrai. Ça passe-tu date, ça? Je sais pas. D'après moi, ça va durer au moins plusieurs années. Je peux pas croire. Sinon, peut-être qu'il y a des refills de spray qu'on peut mettre dessus, je sais pas trop quoi. Mais non, ça dit que c'est tissé dans le... Non, c'est ça. D'après moi, ça dure tout le temps. Ensuite, mais je le sais pas. On parle maintenant de tactile. On revient à notre bon vieux iPhone récent. On a besoin de taper sur le téléphone. Le bon vieux iPhone récent. Ben, parce qu'en bas d'un 5S, t'es passé date. On va se le dire. C'est pas vrai que j'ai un 5. C'était juste comme le vieux récent. Le vieux récent, OK. Bref, on tape à la main sur notre téléphone avec du tactile. On connaît ça, les pavés tactiles et les écrans tactiles. Bien entendu. Mais ça fonctionne pas quand tu veux être à la mode avec des gammes cuir. Hein? Tu veux faire de la moto avec ton iPhone. Ben oui, texter en motorisant. Tout le monde fait ça, tu sais, juge-moi pas. Donc, les gants de cuir et les écrans tactiles, ça n'a jamais vraiment fonctionné ensemble jusqu'à maintenant. Grâce au Mujo Leather Touchscreen Gloves, qui combine donc évidemment confort, hein, chaleur, parce que c'est de la peau de mouton éthiopien ou quelque chose comme ça, et un design très contemporain, de la laine à l'intérieur pour vraiment vous garder au chaud. Et bien sûr, les propriétés qui imitent un petit peu la peau du cuir, qui va vous permettre d'y aller sur le tactile, sur votre téléphone cellulaire ou votre iPad avec vos gants. Ça coûte 100$ par paire chez Mujo, M-U-J-J-O. Pour être à la mode et utiliser son téléphone, ben, c'est un gros prix. Mais... Non. Si c'est en cuir, c'est déjà pas cher. Je pense que c'est quand même pas loin de ce que tu payes pour des gants de cuir. J'imagine, j'ai jamais vraiment acheté des gants de vrai cuir parce que j'ai pas tant d'argent que ça. Là. Non, c'est ça. On achète tout le temps de la cuirette, mais pas du cuir. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça, c'est du vrai cuir et en plus, il y a des snaps dessus. Fait que c'est des snaps, c'est cool. Hein? Voilà. Ouais, c'est génial. Ensuite, on reste dans ce qu'on porte sur les mains, mais on retourne encore plus en arrière. Et puis d'iPhone, on retourne au NES, la Nintendo Entertainment System, le système original de Nintendo. C'est des gants pour le four. En forme de Power Glove. Tu te rappelles le Power Glove de Nintendo? C'était un gant avec des boutons dessus. Non. Tu contrôlais tes jeux avec ça, c'était génial. Il y avait ça dans le film The Wizard, le film qui avait dévoilé au grand public le jeu Mario Bros. 3. Donc, c'est un gant de four, vraiment un gant pour fourneau. Sur Indiegogo, on ramasse de l'argent en ce moment. C'est un gant de silicone qui est fait pour ressembler au Power Glove. Évidemment, on ne sait pas si Nintendo va être tenté de faire des poursuites pour les empêcher d'aller sur le marché. Mais bon, c'est 39$ pour l'instant pour en avoir un. Ils s'attendent à avoir au moins... c'est 18 000 $ si on va sur leur campagne Indiegogo en ce moment pour voir s'ils sont rendus, s'ils ont atteint leur but. Ils sont à 18 218, donc ils ont atteint de 218$ au-dessus de leur limite. Il reste encore 34 jours, donc ils ont le temps de ramasser plein d'argent encore et faire ça en grande quantité. Mais juste la vidéo promotionnelle est très cocasse. Oui. Parce que la fille, avec son gant, déjà, elle est très mignonne. Mais ça. Et elle fait plein de trucs avec le gant, tu sais. Des trucs de la vie de tous les jours. Et en ça noir va et tellement blanc. Bien avec le gant. OK, ouais, c'est ça. Avant, il y a du feu dans la cuisine, tellement ça va. Ouais, non, c'est ça. C'est très cliché, mais bien développé. C'est fabuleux. C'est donc sur Indiegogo, le Power Mitt Oven Glove. Maintenant, ça, c'est cool. C'est pour mettre sur sa main, encore une fois, les montres intelligentes sont de plus en plus populaires en ce moment. Apple, qui va évidemment sortir une, selon toutes les rumeurs, d'ici peut-être à la fin de l'année, et toutes les autres compagnies qui ont devancé. Ici, c'est une compagnie qui s'appelle Geek Amo, qui révèle la MicroView. C'est un ordinateur compatible Arduino, donc un petit ordinateur vraiment de poche, miniature, avec un écran OLED dedans. Donc Geek Amo montre ce projet-là qui utilise la technologie MicroView. Il y a comme un genre de petit un ordinateur Raspberry Pi à l'intérieur qui va afficher la météo. Il va servir de genre de... C'est comme ça pourrait être quasiment un collier, ça pourrait être une montre. C'est juste une petite puce qu'on peut mettre dans à peu près n'importe quoi. En tout cas, qu'on va pouvoir mettre dans n'importe quoi un jour. Et ça affiche des informations dessus. C'est comme un genre de... C'est même pas de la grosseur d'un dé, peut-être, mais aplati, vraiment mince. Ouais, c'est vraiment pas gros, là. C'est dur à expliquer, mais c'est comme une petite tuile de Scrabble, presque. Donc, on demande environ 45$ chez Kickstarter pour fabriquer ce truc-là, recevoir un MicroView comme récompense. Si on met 95$, vous allez pouvoir acheter le USB Serial Programmer, donc un truc pour programmer vous-même vos propres applications pour le MicroView, et du matériel éducatif, de genre des livres électroniques pour savoir comment coder. C'est cool. C'est vraiment le fun. Allez voir ça. Ensuite, toujours dans 5 semaines, ça ne devrait pas, là, c'est Walking Dead. Walking Dead, t'es une fanatique finie. Ok, oui. De The Walking Dead. Aimerais-tu pouvoir boire une bière composée de vrais cerveaux, inspirée de The Walking Dead? Je sais pas, là. Pas tout à fait. C'est la compagnie Duck Street Brewing Company de Philadelphie qui vient d'annoncer Duck Street Walker. C'est une bière Pale Stout, American Pale Stout, pardon, à 7,2% qui est faite avec des cerveaux de chèvre. Ouais, donc une bière qui a été vraiment arrangée, organisée, créée pour célébrer la quatrième saison, la quatrième finale de saison de Walking Dead. Ça va être disponible seulement dans leur pub, leur petit bar, à partir du 30 mars, donc c'est déjà fait. Pour donner sa saveur genre fumée subtile, Duck Street a choisi de faire fumer ses cerveaux de chèvre qui viennent donc, dans le fond, c'est ça, qui viennent de je sais pas de quelle ferme ils se sont procurés ça. Ils ont ajouté aussi des canneberges dans le mélange pour ajouter un petit peu d'acidité, genre un petit quelque chose, un petit kick dans la joue. Et ça donne aussi la couleur rouge à la bière. On dirait que ça m'écœure, là. Pas sûr. En plus, j'ai vu une petite vidéo documentaire style sur Walking Dead où ça dit que les acteurs mangent du jambon quand ils mangent de la chair humaine. C'est du jambon. Et dans les premières saisons, ils mettaient de la sauce à côte levée sur le jambon pour donner une saveur. Mais finalement, ça, l'acidité de la sauce faisait défaire leur maquillage. Donc, il a fallu qu'ils arrêtent de faire ça. C'est cool à savoir, je trouve. Ben là, mais hein? C'est le fun. Walking Dead, yeah! Maintenant, tiens, où s'en va la bouffe qu'on mange? Où s'en va la côte levée, le jambon? Des toilettes? Non, dans ton ventre. OK, avant. Avant, c'est ça, étape par étape, une chose à la fois. Mais on aime tous faire parler de notre ventre. Des fois, c'est involontaire. Notre ventre parle tout seul quand on a faim. Il vous faut ces Talking Belly's Temporary Tattoos. Donc, ça vient avec 6 nez. 6 de chaque affaire que je vais dire. Un nez, des yeux, des moustaches et des sourcils. Et c'est des affaires que vous pouvez coller sur votre ventre. Donc, tu lèves ton chandail et tu vois une face style dessin animé. C'est un peu comme si tu devenais un Monsieur Patate. Tu deviens Monsieur Patate. Couch potato, si on veut. Donc, donnez-vous un petit peu de personnalité à votre bedin avec votre six-pack de Talking Belly's Temporary Tattoos. Mon Dieu, que c'est n'importe quoi. Vraiment. Ensuite, on revient à la technologie un petit peu plus que des autocollants sur le ventre, là. C'est un dé. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas rendre intelligent dans la vie? Il n'y a rien qui ne peut pas être intelligent. Comme, mettons, tu as une montre intelligente, tu as un téléphone intelligent, tu as un ordinateur intelligent. Sans qu'une chèvre tout le temps cave. Une chèvre tout le temps cave. Si seulement on pouvait rendre la chèvre intelligente, mais non, ici, on rend un dé intelligent. Donc, oui, un dé, un des jeux les plus anciens. C'est Dice Plus qui est plus que juste un dé à 6 côtés, qui s'éclaire, qui s'allume, qui est super beau. C'est aussi une télécommande de jeu multifonction qui se connecte à votre iPad via Bluetooth. Il y a un sensor pour la proximité, donc vraiment, ça va ressentir la proximité de l'appareil. C'est un truc pour le champ magnétique aussi. Il y a un accéléromètre. Et le dé, une lumière LED qui change de couleur à l'intérieur pour indiquer que c'est à ton tour de jouer dans certains jeux. Évidemment, il faut que les jeux soient compatibles avec. Hein. Mais mettons, t'as choisi que ta couleur c'est rouge. Ben rouge, ça veut dire que c'est à toi de jouer. Parlant de ça, il y a 6 jeux gratuits qui viennent avec, qui sont compatibles. Il y a le Backgammon, le Chuchumba. C'est quoi ça? Je sais pas. T'as le Heroes, qui est comme un petit peu le Parcheesi. Rainbow Jack, Rumble Stumble, qui est comme un genre de Twister pour les doigts. Et This Way Up, donc des jeux comme ça qui sont disponibles. Mais il y en a d'autres qui sont... Moi non plus, c'est des jeux qui sont faits, j'imagine, pour, juste pour ce dé-là. Et le dé USB est rechargeable. Mais c'est vraiment cool. L'idée est fantastique. Il est beau. Oui. Pour vrai, là, pour jouer à des jeux de rôle, peut-être, ça pourrait être le fun, avec un dé à 20 côtés, peut-être, éventuellement. Ça fonctionne, ça, là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, on s'en va dans le domaine des bouteilles, en fait. Fameux domaine des bouteilles. On en parle tout le temps. C'est vraiment... Il y a une catégorie de gens qui traitent bouteilles. Ça, c'est les sans-abri qu'on les appelle. Donc, c'est les LED bottle corks. En fait, c'est des bouchons de bouteilles pour illuminer vos soirées. Donc, c'est des bouchons très uniques qui vont non seulement, évidemment, garder votre bouteille fermé, hein, son contenu ne tombera pas de la bouteille. Mais la lumière LED rechargeable va s'allumer pour peut-être, mettons, faire une soirée romantique. À la place d'avoir une chandelle, t'aurais une bouteille de vin qui s'allume. Ah! C'est cool, hein? Pas vraiment. Ben oui, c'est beau. C'est tellement inutile que j'aime ça. T'en veux, hein? Ben, avec des belles bouteilles, là, oui. C'est beau. Trouvez votre propre... Évidemment, c'est un fournisseur votre propre bouteille. Bring your own bottle. Oui, puis parce que ce qui est cool avec le bouchon, étant donné qu'il est évasé, ça peut fitter sur toutes les bouteilles. Ah ah! Ça, j'avais pas vu ça, mais c'est... T'avais pas catché, bon, hein? Ben, tu sais, je suis pas un grand utilisateur de bouteilles. Moi, je suis pas dans le club select des amateurs de bouteilles, comme toi et les sans-abri. Ah, et ça prend une heure à le charger et ça dure 2,5 heures. Colin, la moitié du temps juste pour le recharger, il me semble. Ça devrait être plus longtemps, mais non. C'est pas grave. Non, mais 2,5 heures, t'en masses le temps de souper à la bouteille. Là. Mais hein, écoutez, unité 9 avec ça à la chandelle. Ensuite, tantôt, on a parlé de créer un personnage de dessin animé sur sa bedaine et tu nous as traité de patate, je pense, c'est ça? T'as dit pour les... Oui. T'aurais l'air de Monsieur Patate. Ça tombe bien, parce que Homer Simpson est en train de devenir lui-même un Monsieur Patate. Non! C'est vrai, pour célébrer le 25e anniversaire de la légendaire famille de Springfield, c'est Mr. Potato Head Homer Simpson figure. Wow! C'est bon, hein? Les parties du corps interchangeables, donc évidemment tout ce qu'on a besoin pour rendre Homer le plus patate possible. Pantalon bleu, cheveux, un beigne, évidemment. Les beignes. Donc c'est une version officielle, donc c'est vraiment commandité par Fox, Matt Groening et tout le monde est là-dessus. Le jouet mesure 6 pouces de haut et vient dans une boîte de collection. Malheureusement, par contre, il y a seulement une version Homer pour l'instant, donc on peut pas échanger les parties peut-être avec, mettons, la couche de Maggie. Homer, c'est le plus stylé, cool, mais tu sais, Bart Simpson aurait été cool aussi. Je veux Homer. Marge. Je veux Homer. Mo Cisla. Apu, Nasapé, Mapetilan, Diamondar, Lee, Ramassi, Naïtra, un truc. Homer. Apu. Non, pas d'Homer pour toi. Ensuite, quand tu sors dehors, moi, tu sais, je sors rarement dehors, mais si j'avais à sortir dehors, j'aimerais avoir cette table-là. C'est la table IO. Un petit bureau pour votre cuisse. Ben, en fait, pour vos cuisses, dépendant. Là, sûrement que ça tiendrait sur une cuisse, mais il faut faire attention. Donc, travailler avec un laptop, un ordinateur portable, c'est bien le fun, mais des fois, tu as besoin d'une souris. Pour faire, par exemple, du design graphique, des trucs comme ça. Tu veux peut-être avoir ton téléphone de l'autre côté. Donc, Rodolfo Lozano. Le gars, il a vraiment un nom typique. Hein? Rodolfo Lozano. Ben oui. Donc, il a créé Tablio, un mini-bureau. Ça rime avec son nom. ça répète son deuxième nom. C'est Rodolfo Tablio Lozano. C'est une surface ventilée. Donc, pour vous garder bien au froid, on connaît déjà les surfaces ventilées pour les laptops, sauf que souvent, pour les laptops, c'est vraiment littéralement de la grosseur de ton ordinateur. Oui. Même plus petit, l'ordinateur dépasse sur les côtés. J'aime vraiment pas ça, c'est pas le fun. Donc ici, c'est vraiment de la grosseur de votre portable, mais il y a deux planches sur les côtés qui se glissent pour utiliser votre souris et n'importe quoi d'autre. Vous pourriez quasiment mettre votre verre là-dessus. Ça vient... pas sûr. Moi non plus. Ça vient en format 13, je mettrai jamais mon verre là-dessus. 13 pouces ou 15 pouces, c'est fait de bambou. 87$ sur, je crois que c'est Kickstarter. Oui, Kickstarter. Donc, présentement, on va aller voir s'ils sont rendus à leur but via ce site-là. 10 000$, ils ont doublé leur mise. Cool! Bravo. Mais parce que c'est vraiment très, très beau aussi. Oui. C'est super esthétique. Parce que souvent, les petits trucs pour les portables normaux avec une petite fan dessus sont absolument affreux, la plupart. Je trouve, moi, personnellement, dans mes goûts, je trouve ça vraiment laid. la plupart des planches. Ben, il est pas si pire, le mien. OK, ben, si t'as bien trouvé, tant mieux. Moi, j'ai pas réussi à en voir des bouts. Ben, c'est sûr, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ça. Mais non, du bambou. Mais non, c'est beau. C'est beau. Je pourrais découper mon pain dessus. C'est bon, bon, bon. C'est bon. Ensuite, quand tu t'es prends en photo, Steph, je sais que bon, tu sais, on te connaît. Bon. On a appris à te connaître avec le temps. T'aimes pas tellement, tu sais, converser, faire la conversation au téléphone, mettons, t'aimes pas ça. Non, j'ai ça. Tu sais, pas ça. Peut-être que t'aimes pas ça non plus te faire prendre en photo par quelqu'un qui te l'a pas demandé avant. Ça se peut-tu, ça? Par quelqu'un qui me l'a pas demandé, c'est sûr que j'aime pas ça. C'est un peu bête, hein? Ça se pourrait que le coup de poing arrive vite, mettons. Ça se pourrait. Ça se pourrait que ta petite lentille soit peut-être brisée. Ça se pourrait. Donc, il te faut la Justice Cap. C'est pour te rendre invisible aux caméras, Steph. Ah? C'est vraiment le fun. Donc, une lumière, tout ce qui est plus normal, la Justice Cap. Ça ressemble à une casquette de baseball, même qu'il y a une statue de la liberté dessus. Mais il y a une strip, une bande de lumière LED dans le visor, le devant, la... Comment on appelle ça, cette affaire-là? Une palette. La palette de la casquette, merci. Donc, virtuellement, ça va bloquer ton visage des caméras numériques et des systèmes de reconnaissance faciale. Donc, ça fonctionne surtout dans les environnements où il y a moins de lumière. Par exemple, dans un bar. Évidemment, tout le monde porte sa casquette dans un bar. Hein, ou à l'extérieur, quand il fait un petit peu sombre. Mais ça fonctionne aussi le jour, juste pas aussi efficacement. Et ça va faire un genre de gros halo de lumière. Un genre de... On dirait que t'as comme le soleil directement en face. Donc, on te reconnaît pas. Ben, c'est cool. J'aime ça. C'est bien. T'as l'air de passer inaperçu. Ben, ça peut être bien pour les artistes et célébrités qui sont autant paparazziés. Tellement. Ça pourrait être bien pour eux autres, là. Peut-être même qu'il y aurait une opportunité de branding ou de marketing avec peut-être le nom de l'émission de l'artiste. Comme ça, tu te fais reconnaître, mettons, « Wow, j'étais dans peu importe l'émission, c'est Dexter, peu importe. Walking Dead, tu sais, la volette a sa propre casquette d'émission, tu sais. Puis elle se prend en photo, tu sais. Ah! Calé, non, il voit pas la face. Parce qu'il y a des vedettes comme ça qu'on reconnaît pas, à moins qu'il y ait un chandail de leur équipe de production. Des acteurs comme qui passent inaperçus. Je trouve. Ben, c'est sûr. T'as envie. J'ai regardé un gala hier, puis je reconnais cette personne. Pourtant, je regarde toutes les émissions, là. Je reconnais pas. Ouais, non, ils ne sont pas nécessairement arrangés. C'est sûr que le zombie numéro 8, tu le reconnais pas. Peut-être qu'il n'y a pas son maquillage de zombie. Il n'est même pas dans le générique, en plus. Numéro 8. Ben oui, c'est écrit zombie numéro 8. Ah ouais, toi. Je sais pas. Peut-être. Donc, ensuite, tu connais le clapper? C'est le clapper. Comme ça, là. Alors, fais-le, il faut voir sur la bleue. OK, c'était comparatif. Lui. Je savais pas si c'était un clap ou deux claps pour l'allumer. Bon. Donc, attention, clapper, ça, c'est l'affaire qui allume et éteint vos lumières. Il y avait des infos publicités dans les années 80-90 là-dessus. Tu faisais juste clapper des mains deux fois et ça éteignait tes lumières. Donc, maintenant, il y a une nouvelle façon de faire ça en ville. C'est la Ion. C'est un interrupteur. Interrupteur est le mot que je cherchais. De lumière, mais qui vous permet d'allumer et éteindre les lumières ou d'autres appareils en passant votre main devant. Fouink! Fouink! Et on peut même améliorer la couverture de cette affaire-là en plaçant une petite plaquette dessus, un objet conducteur qui va faire que tu vas pouvoir passer encore plus loin de la surface. Donc, comme la plupart des écrans tactiles, ça utilise le capacitive sensing pour fonctionner. On peut aussi garder sa main devant le iPhone pour graduellement abaisser et monter la lumière. C'est un gradateur! C'est génial, hein? On va pouvoir aussi allumer et éteindre les lumières via une application mobile. Fantastique. Ion qui fonctionne sur la plupart des interrupteurs américains, donc par association les Canadiens aussi. Et on peut remplacer ça peut remplacer la plupart des interrupteurs mécaniques directement, facilement, sans avoir besoin d'outils, si je comprends bien les instructions ici. On demande environ $40 américains sur Kickstarter pour avoir votre propre Ion Switch comme récompense. Et encore une fois, on va aller voir sur Kickstarter. Ils sont rendus à 32 000 sur 100 000. Il reste 22 jours, donc on est au tiers environ. Ça s'en vient. C'est très prometteur. Allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com. Ouais. Le gars, il y a un aquarium avec un poisson, fait que c'est sûr qu'il est cool. Ouais, c'est cool, mais tu sais, mettons, si tu mets quelque chose dans le comment je te dirais ça, tu sais, t'as une zone dans laquelle, quand tu passes ta main, ça va allumer ou éteindre. Si tu mets un objet dans cette zone-là et que tu touches l'objet, ça fonctionne aussi. Parce que là, il t'arrête de passer le poisson, là. Okay. Là, il met le poisson. Quand là, il touche l'aquarium, puis là, ça s'éteint, puis ça s'allume. C'est vraiment le fun, ça. C'est vraiment cool, parce que là, il l'a mis sur sa table, là, puis la petite lampe flash à côté. Cool. Hey, j'aime vraiment ça, je trouve ça cool. Fantastique, va te donner ton petit 40, c'était quoi, 30, 40, en tout cas, va te donner là, ton appareil. Il a mis la lampe dans la zone, okay. Puis là, juste toucher la lampe, ça va switcher on. Hey, génial, génial. Maintenant, les chiens vont trouver le prochain gadget génial. C'est le Tidy Dog, présentement encore une fois sur Kickstarter. Donc, c'est une boîte à objets. C'est comme un coffre pour les chiens, mais qui offre une récompense quand le chien ramène son jouet après avoir joué avec. Ah? Hein? Donc, Tidy Dog a des sensors, encore une fois, qui détectent le poids d'un jouet. Et quand le chien le remet à sa place, ben, il va reconnaître que le poids a été remis. Il va lui donner une récompense, un petit bonbon, un biscuit. Donc, les créateurs promettent que ça peut même détecter les plus légers objets jouets pour chiens. Une des premières choses qu'on se dirait, selon l'article ici, c'est que, bon, sûrement qu'un chien intelligent pourrait juste prendre un jouet puis le remettre directement dedans puis ramasser un bonbon, tu sais. Ben oui. Mais non, il faut qu'il attende. Il y a une période okay. d'attente. Donc, les créateurs promettent que même... Il y a aussi, il y en a qui disaient que peut-être que la patte du chien, tu fais juste mettre la patte du chien, mettons, tu sais, il met sa patte dans le truc pour avoir un jouet. Tu sais, mettons, en l'enlevant puis en mm-hmm. le remettant, ça détecte le poids. Mais non, il faut pas... c'est fait exprès pour que, aussi qu'il y a une vibration, ça ressent que le chien est là physiquement okay. et ça lui donnera pas de bonbons. Faut que ce soit complètement immobile. Donc, tout est vraiment pensé. Mais il pourrait pas ramener juste un autre objet par rapport puis il y aurait... Il faudrait qu'il ait le même poids exactement. Ah ouais? C'est ça l'affaire. C'est okay. cool. Hein? C'est vraiment cool. Ils ont pensé à tous ces Tidy Dogs. Allez voir ça. Toujours dans le domaine des chiens, pour ceux qui sont plus paresseux, le iFetch remplace le fait de lancer la balle à son animal de compagnie. Donc, évidemment, vous allez pouvoir continuer de jouer avec votre chien, mais quand vous allez avoir des périodes où vous êtes plus occupé, vous allez pouvoir laisser cette machine-là lancer la balle aux chiens les plus remplis d'énergie. Donc, vous mettez la petite balle dans le tuyau et la machine va la lancer de l'autre côté de la pièce à différentes distances. Tu as le droit à 10, 20 ou 30 pieds. Ça vient avec 3 balles de tennis miniature et ça fonctionne à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est cool. Oui. Je trouve ça vraiment le fun. Ça peut être bien pratique. C'est mignon. Les chiens ont l'air heureux. Mais... les balles de tennis, c'est pas bon pour leurs dents. Ah! Quand ils mâchouillent ça, c'est trop dur et ça va user leurs dents. Donc, c'est peut-être, même s'ils en vendent pour les animaux, c'est peut-être pas la meilleure idée de donner ça à notre chien s'il a tendance à le mâchouiller. Ah ben, je savais pas ça. Maintenant, on parle d'un vélo qui fonctionne un petit peu comme un Segway. Tu sais, Segway, c'est l'appareil, tu te mets dessus, t'es debout, t'avances, tu fais juste avancer ton corps et ça avance tout seul. Je suis sûr que c'est dur à contrôler, cette affaire-là. Ça doit l'être. Ça, c'est pas exactement la même chose, mais c'est basé sur le même principe. C'est le half-bike, un mode de transport alternatif inspiré par le vélo à moitié et par le Segway par l'autre. Donc, en fait, c'est comme un Segway à pédale, si on veut, ce qui défait un petit peu l'utilité d'un Segway. Ouais. Mais ça vient avec un frein et une poignée qui ressemble à un genre de gros joystick. C'est écrit par... C'est laid. C'est laid, maudit. Écrit par Colin Lignan. C'est parfait pour les courtes distances, combiné avec peut-être un transport public. Donc, on pourrait amener ce véhicule-là dans l'autobus. La bike est assez compacte pour un ascenseur, assez léger pour l'amener dans les escaliers et assez petit pour l'emmagasiner, le mettre dans sa shed, un petit peu comme un vélo normal. Dans sa grange, son hangar. Donc, la bike qui est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter, lui aussi, on demande 900$ pour avoir votre propre half-bike. C'est très, très boisé comme look, hein? Mais comment tu fais pour pédaler quand t'es debout? Ouais, comment tu fais pour pédaler quand t'es debout? Je veux dire, tu dois tout le temps être sur le ballon. Là, tu t'accroches après le frein puis ça avance pas. Ouais. Ben, vu que c'est pour de courtes distances, peut-être que ce sera pas trop déplaisant, mais j'avoue que... On voit un petit peu le processus. Il y a une petite vidéo sur le lien en bas de l'article. On voit la personne se promener en half-bike. Attends un petit peu, ici, comme ça. Ça a l'air d'être comme un vélo, sauf qu'à la place de tenir ton guidon à l'horizontale, c'est juste un joystick dont tu tiens un petit peu comme tu tiendrais dans le métro après un poteau. Et ouais, mais si le poteau sert de frein, si jamais tu bouges trop, tu vas avoir tendance à freiner. En tout cas, il y a sûrement une subtilité dans la poignée peut-être du frein, je sais pas. Moi, je suis certaine que j'aurais bien de la difficulté. J'ai de la difficulté à faire du vélo normal. C'est peut-être pas pour toi dans ce cas-là. Non. Peut-être que ce qui est pour toi, par contre, c'est un petit siège portable. Donc, des fois, quand tu dois absolument t'asseoir, mais que tu veux pas t'asseoir dans le gazon, t'acheter ta belle jupe, robe ou peu importe, dans les roches, des fois, c'est pas confortable, ça te pique les fesses. De la gravelle, c'est pas le fun. Donc, voici le Focal Mogo. C'est un petit banc. Sur bâton, un peu comme un pogo stick dans le temps, mais il y a juste un siège au bout et un truc de caoutchouc à l'autre bout. Donc, c'est parfait pour... c'est un siège ergonomique, donc tout ce que tu as à faire, c'est quand tu as besoin de t'asseoir, tu te penches contre ce petit banc-là. C'est super le fun. Ça enlève le poids de tes pieds, ça garde le dos bien droit et ça fait même exercer un petit peu tes abdominaux, nous dit-on. C'est super escamotable, décomposable, donc on peut l'amener à peu près partout. C'est parfait pour l'extérieur et l'intérieur. C'est 100$ sur Amazon. C'est cool, c'est dans une file d'attente. Oui. T'es poigné debout. À un concert où tout le monde est supposé être debout, toi, tu peux t'asseoir tout en restant semi-debout. C'est cool. Animé à la radio, semi-debout. Semi-debout. Voilà. Comme tous les matins, tout le temps semi-réveillé, semi-debout. Voilà, on va arrêter là, je pense, pour ça, mais ça ne devrait pas être là. On continuera ça la semaine prochaine. On fait ça les mercredis. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Ah, vous avez à éplucher des pommes, eh bien, vous en avez une bonne gang à éplucher. Je me demande si ça marche avec les pommes de terre. Moi, je trouve que ce serait une très bonne idée, mais bon. C'est un homme qui épluche une pomme avec une perceuse. Donc, éplucher une pomme soulève souvent du pensum, surtout quand il faut préparer des kilos et des kilos pour aboutir à une compotée ou à une grosse tarte. Mais un chef cuisinier vient de mettre au point une astuce qui pourrait révolutionner cette discipline. A priori, une perceuse est davantage conçue pour percer des trous, y compris dans la surface des surfaces plus dures, hein, et pour ôter des pellicules de peau à la surface des pommes de faible densité. Plus que pour ôter des pellicules de pommes à faible densité. Pour autant, cet outil peut s'avérer précieux pour éplucher des pommes à condition de l'utiliser astucieusement. Le concept développé par un chef cuisinier est simple. Il ne s'agit pas de forcer dans la pomme, mais plutôt d'utiliser la perceuse pour imprimer aux fruits fichés sur la mèche une vitesse de rotation spectaculaire. Il suffit d'approcher ensuite un éplucheur standard pour que la peau soit retirée à toute allure, simple et efficace. Allez voir l'image, allez voir la vidéo sur la page Facebook du Dîner de con. Quand même, un savoir-faire certain, c'est clair. Ici, je vous parle d'un être tatoué sur 90% de son corps au nom de Arthur Morowski, qui vend sa peau de jaguar. Eh bien oui, hein? Un tatoueur a décidé de mettre en vente une chose unique en son genre puisqu'il s'agit de sa propre peau. Tatoué sur 90% de son corps, Arthur Morowski a souhaité mettre sa peau tatouée aux enchères en ligne sur eBay. La spécificité, oui, de sa peau est qu'elle présente des motifs de jaguar. Il est âgé de 41 ans. Arthur Morowski a passé près de 300 heures à se faire tatouer cette nouvelle peau. Elle est de couleur jaune et elle représente des taches noires. La peau de ce tatoueur quadragénaire est cependant mise en vente sur eBay pour la somme de départ établie à 75 000 livres sterling. OK, presque 100 000 $ américains. C'est donc la peau entière du corps de cet originaire de Varsovie en Pologne qui est mise en vente et qui sera certainement achetée par un internaute. Toutefois, ce dernier ne pourra qu'être l'officiel détenteur qu'à la mort du tatoueur qui est le propriétaire d'un salon de Blackpool dans le Lancashire au nord-ouest de l'Angleterre. Les gens estiment que je suis fou, mais on meurt toujours, tous un jour ou l'autre et certaines personnes font des dons d'organes alors que d'autres donnent rien à leur mort. Ce jour-là, je n'aurai rien. Plus rien à perdre, a expliqué Arthur Morozowski, relayé par le Daily Mail. Certes, c'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas pour rien que ce n'est rien pour quelqu'un de fortuné. Tout à fait. Alors que cette vente aux enchères semble assez étonnante et commence à faire beaucoup parler d'elle sur Internet, Arthur Morozowski indique que s'il a pensé à mettre en vente sa peau tatouée, c'est tout simplement parce qu'il sait que cela demande des heures de travail et d'immenses concessions. Si cela peut soulager quelqu'un en évitant de se faire tatouer, eh bien, tant mieux, pense ce tatoueur d'origine polonaise. Mais l'une des principales raisons pour laquelle je fais cela est mes enfants. Je veux qu'ils aient un bon pécule lorsqu'ils seront adultes. Je veux qu'ils aient un bon choix de carrière et je veux leur venir en aide du mieux que je peux, a-t-il ajouté. Au fond de moi, je souhaiterais que ma peau se vende à un prix plus élevé, mais je ne veux pas augmenter le prix de départ de peur que cela paraisse pour une blague. Non, c'est pas une bonne idée, je m'excuse, mais non. Complètement ridicule. Mais vraiment, là, je m'excuse, mais c'est ridicule. C'est de profiter des autres en même temps pour essayer d'avoir 100 000 $. 100 000 $, c'est pas ça qui va faire l'avenir de tes enfants, là, man. Je m'excuse, mais bon. En tout cas, hein, 100 000 $ de nos jours, c'est pas grand-chose. Je le prendrais, c'est sûr, puis je l'ai pas, mais c'est quand même pas grand-chose. Surtout, comme il dit, pour des personnes fortunées. Digital Paper, eh bien, c'est Sony qui dévoile une feuille de papier électronique Wi-Fi. Hein, assez particulier, est-ce que c'est un canular? Je ne sais pas. Les prises de notes ne seront plus jamais les mêmes. Sony a dévoilé il y a quelques jours le Digital Paper, ou papier électronique, une feuille d'encre numérique e-link placée sur une sorte de tablette. Cette dernière mesure 31 par 23 3 cm sur 7 mm d'épaisseur et ne pèse que 358 grammes. La feuille affiche les caractères en 16 niveaux de gris, une résolution de 1200 par 1600 pixels et mesure l'équivalent d'une surface d'affichage de 13,3 pouces de diagonale. Elle peut stocker jusqu'à jusqu'à 4 gigs de données, mais dispose d'un port micro SD pour augmenter l'espace mémoire. Pour sa connexion à un ordinateur, elle incorpore également un port USB, ce que Apple n'a jamais été capable de faire sur ses tablettes. L'ensemble peut se connecter via Wi-Fi et arbore une autonomie à faire pâlir d'envie n'importe quelle tablette 3 semaines avec une seule charge du fait que l'utilisation d'encre électronique est très économe en énergie. Alors, désormais décortiquer que promet cette feuille de Digital Paper et que va-t-elle révolutionner? Compatible avec les fichiers sous format PDF, Word, Excel, PowerPoint, la tablette permet de prendre des notes comme sur une feuille standard et de pouvoir réorganiser son texte comme s'il s'agissait d'un fichier, d'ouvrir ainsi, ensuite de surligner les fichiers texte pour les annoter, les signer ou mettre en relief leurs informations les plus importantes. Par la suite, il est également possible de récupérer, d'envoyer, de transmettre les données via une connexion sans fil Wi-Fi. Une facilité d'utilisation et de prise en main voulue par le constructeur dans un souci d'adoption du plus grand nombre par le public. Mais si sa distribution est planifiée pour le mois de mai, il reste un obstacle de taille, le prix du produit. Ben là, c'est normal, c'est neuf, ça vient de sortir, c'est tout récent. Le prix du produit, en effet, le Digital Paper est annoncé à 1 100 $, une coquette somme pour une feuille aussi électronique soit-elle, mais nul doute que ce tarif pourrait rapidement baisser en cas d'adoption massif du format. Et je vous le prédis, ça l'arrivera parce que ça semble être une très, très belle invention et très, très fiable aussi, vraiment spectaculaire. Autre chose complètement spectaculaire, je vous l'envoie ici, c'est la performance de cet homme qui serait maintenant l'homme le plus fort du monde. Donc, au nom de Zidruna Zaviskas, capable de soulever 524 kilos. Donc, cet homme est ce que l'on appelle une force de la nature. Ce Lituanien de 38 ans est un adepte de plusieurs disciplines où c'est justement la force qui compte. Haltérophilie, powerlifting, sport de force, considéré comme beaucoup et par beaucoup comme l'homme le plus fort du monde. Il s'est montré à la hauteur de sa réputation en réussissant à soulever 524 kilos à bout de bras lors de l'édition 2014 du concours de force Arnold Strongman. Donc, une performance unique, parfois surnommée le Big Z. Donc, Zidruna Zaviskas, oui, a encore prouvé qu'il méritait le titre d'homme le plus fort du monde lors de l'édition de 2014 au concours d'Arnold Strongman. Il est parvenu à soulever 524 kilos. Vous pouvez assister à cette performance exceptionnelle sur la vidéo qui accompagne l'article sur la page Facebook du Dîner de cons. On nous dit ici, le powerlifting, c'est quoi? C'est aussi appelé force athlétique de la ou dynamophilie au Québec. OK, au Québec, c'est de la dynamophilie. Le powerlifting est un sport de force pouvant être apparenté à l'haltérophilie, mais qui s'en distingue par les mouvements techniques plus basiques où les charges sont plus lourdes et où l'amplitude est plus réduite. Le powerlifting n'a divergé que récemment de l'haltérophilie. Les compétitions sont peu à peu apparues aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, mais les premières compétitions internationales officielles datent du début des années 70, dans le même temps que l'haltérophilie s'est concentrée sur les deux mouvements olympiques, l'arraché et l'épaulé jeté. Les deux sports sont devenus alors distincts. Wow! On va rester un peu dans le même domaine. On parle des combats de free fight féminins qui font le buzz désormais. Apprenez à vous défaire du piège d'une prise de combat rapprochée grâce à cette solution donnée par deux ravissantes combattantes. Si par mégarde vous vous trouvez pris au piège par cette prise de combat baptisée le Guard, voici la solution livrée par deux jolies jeunes femmes. En effet, ces dernières s'avèrent être également des combattantes et nous dévoilent la technique pour se défaire d'une telle prise. Entre technique de combat et beauté visuelle, on se dit que cela ne fait pas de mal de joindre l'utile et l'agréable. Donc, voici Brittany et Janet, deux jeunes combattantes aux parfaites silhouettes qui apprennent aux internautes des techniques de combat très spécifiques. Et dans cette vidéo, il s'agit de techniques appelées le Guard Pass. En d'autres termes, il est question de se défaire d'une technique de combat dans laquelle les deux combattants sont au sol. Brittany nous apprend donc à faire comment se défaire de cette prise. Après quelques petits mouvements effectués, tout en expliquant point par point les différentes étapes de cet échappatoire, la jeune femme se trouve libérée par la prise maintenue de Janet. Mais même si cette dernière se laisse principalement faire et ne dévoile aucun des actes de résistance, la technique du Guard Pass semble en soi assez simple à retenir et à réaliser. Et puis là, on nous dit que cette vidéo a été mise sur Internet par le site MMA Candy, spécialisé dans les sports de combat et les techniques entourant cet univers de combat rapproché. Le site Internet explique avoir la plus large collection de filles sur le ring. En effet, pour s'en rendre compte, il suffit de visionner toutes les vidéos réalisées par MMA Candy. L'ensemble des techniques de combat est dévoilé dans plusieurs vidéos et dans lesquelles, bien entendu, les exemples sont donnés par des jolies femmes aussi sensuelles que Britney et Janet. Alors, souvenez-vous que vous aurez appris ça ici aussi, hein? Les buzz d'Internet, les combats de jeunes femmes. C'est merveilleux. Ouf, je suis essoufflé. J'avais le goût d'aller en musique, mais non, je pense que je vais vous envoyer d'autres nouvelles. Je vous parle de cet adolescent verbalisé par la SNCF, compagnie de transport ferroviaire européen, parce qu'il portait des écouteurs. Alors qu'il traversait la gare de Reims avec ses écouteurs autour du cou, eh bien, un adolescent a été verbalisé par un agent de la SNCF refusant de payer l'amende. Sa famille est entrée en conflit avec la société ferroviaire, qui se justifie en invoquant un décret datant de 1942. Hein? Le récit remonte au printemps dernier, donc de 2013, mais les deux parties sont toujours en conflit. Relaté par le quotidien L'Union Ardennais, eh bien l'histoire est pour le moment loin d'être réglée, même si la famille du jeune homme peut compter sur le soutien des associations de consommateurs. Le 23 mai dernier, Anthony sort du collège et traverse comme tous les jours la gare de Reims pour rentrer chez lui. Alors qu'il porte ses écouteurs autour du cou, un agent de la SNCF le remarque et le verbalise. Montant de l'amende, 45 euros. Mais Anthony n'a pas de quoi régler le tout de suite. Celle-ci grimpe alors jusqu'à 75 euros, une somme que la mère de l'adolescent refuse de payer, jugeant la contravention injustifiée. Un refus qui entraîne une majoration de l'amende à hauteur de 300 euros. Ne sachant plus quoi faire, la famille fait alors appel à l'association de consommateurs, l'UFC, que Choisir s'empare immédiatement du dossier. Anthony ne prenait même pas le train, il ne faisait que traverser la gare par le souterrain de Clairemarais, comme tous les jours se rendant au collège, explique le président de l'association, Lionel Gazot. Du côté de la SNCF, on se justifie en rappelant un décret datant de 1942 qui interdit aux voyageurs et autres usagers de faire usage sur les quais d'appareils ou d'instruments sonores. OK. Un argument que refute l'UFC que Choisir. Anthony ne se promenait pas avec un porte-voix ou une grosse radio sur l'épaule. Il y avait seulement des écouteurs sur la tête. L'usage du téléphone est-il interdit par la SNCF? S'insurge Lionel Gazot. Dans le train, un pictogramme invite les passagers à se rendre sur les plateaux prévus à cet effet, mais il n'y a rien de tel dans la gare ou sur les quais. Contacté par l'Union Ardennais, la société ferroviaire campe sur ses positions. La SNCF veille à la tranquillité et au confort de ses voyageurs. Dans ce contexte que ce garçon a été verbalisé. En ce qui nous concerne, la réglementation a été suivie et c'est ce qu'elle a simplement déclaré. Eux autres, ils restent sur leur position, la SNCF. C'est un petit peu ridicule. Ici, une nouvelle que vous allez me dire, oui, ça doit être un poisson d'avril. C'est ce que je me demande et c'est pourquoi je vais vous partager la nouvelle. C'est la compagnie Volkswagen qui a imaginé la voiture du futur sans roues. Suite à un sondage réalisé auprès de milliers d'internautes chinois, Volkswagen a imaginé ce que pourrait être le véhicule du futur, une sorte de bulle sans roues lévitant au-dessus du sol. La Uber Car pourrait ainsi venir concrétiser l'obsession des voitures volantes. Oui, c'est bien beau, mais c'est la réalisation, là. Là, on le voit en vidéo, on voit que c'est totalement des effets spéciaux, mais de le réaliser, c'est ça qui est autre chose, hein? Donc, né ainsi du People Car Project, la Uber Car est une bulle volante deux places, manifestement destinée à une utilisation urbaine résolument écologique. Le véhicule est totalement électrique et fonctionne par sustentation électromagnétique, un système qui lui permet donc de se déplacer sans jamais toucher le sol. Une technologie qui, si elle est déjà utilisée dans le domaine ferroviaire, notamment sur le maglev de Shanghai, reste néanmoins très coûteuse puisqu'elle implique une révision complète de la totalité des routes, celle-ci devant être également électromagnétique pour que la voiture puisse fonctionner. Cette technologie offrirait cependant la possibilité de se passer d'une batterie ainsi que d'une autonomie illimitée. C'est un sacré plus, hein? En ce qui concerne la tenue de route, eh bien, il est difficile pour le moment d'imaginer comment se comporterait la Overcar, mais elle pourra, en toute logique, détecter les autres véhicules, ce qui permettra d'éviter toute collision potentielle. Sur la vidéo de la voiture imaginée par Volkswagen, la fluidité de l'engin est impressionnante. Mais c'est sûr, c'est une vidéo. Une vidéo faite en 3D, hein? C'est facile. Réussissant à se mouvoir dans des rues très étroites et visiblement assez facilement, le véhicule semble être très maniable et c'est d'ailleurs l'une des qualités mises à l'avant par le constructeur allemand. Évidemment, il ne s'agit là pour l'instant que d'un engin de science-fiction et ce projet n'en est qu'au stade de concept, mais cette voiture peut nous donner un aperçu de quels véhicules seront dotés notre futur. Peut-être, hein? Peut-être. Très rapidement, je vais passer ça, mais j'ai pas le choix, j'en parle parce que c'est sorti encore aujourd'hui. La belle Valeria Lukianova. Il est quand même joli, là, ça c'est sûr. Elle ressemble à une Barbie humaine. Elle se dévoile plus mince que jamais. En déclarant vouloir vivre d'air et de lumière, Valeria Lukianova avait choqué la toile dernièrement. C'est la dernière fois qu'on en avait parlé. Eh bien, la taille de la jeune fille qui a recouru plusieurs fois à la chirurgie esthétique pour ressembler à une poupée Barbie ne mesurait alors que 50 cm. Selon les précédents rapports, la dernière photo publiée via son profil Facebook inquiète la toile tant la jeune fille paraît avoir appliqué ce qu'elle avait annoncé. Donc, les dernières photographies sur son mur de Facebook laissent à penser que Valeria Lukianova a appliqué vraiment ses préceptes, tant il paraît amaigri. Aux dernières nouvelles, la taille de la jeune fille ne mesurait que 50 cm et on peut donc légitimement s'inquiéter sur la santé de la jeune fille. Comme vous pouvez le voir sur les photographies qui accompagnent cet article, la jeune fille possède désormais une apparence quasi inhumaine à cause de sa maigreur et de ses nombreuses transformations. Sur ces clichés, Valeria Lukianova apparaît toujours avec de longues jambes fines, une taille très resserrée, une poitrine bien importante et imposante. Son visage figé a lui aussi subi diverses modifications pour avoir, par exemple, de grands yeux qui deviennent bleus grâce à des lentilles de contact. Elle possède également des extensions de cils, une bouche en forme de cœur, une mâchoire réduite, ainsi qu'un menton et un nez affilés. Outre son intérêt pour son apparence, Valeria Lukianova se décrit comme une personne créative et consacre son temps libre au voyage astro et à la méditation, ainsi qu'à la composition et au chant. Et elle se nourrit d'air et de lumière. Même pas d'eau, imaginez. C'est d'un ridicule. On va rester dans le domaine de la chirurgie esthétique. C'est une fan de Jennifer Lawrence qui dépense plus de 20 000 euros en chirurgie esthétique pour lui ressembler. Kitty, une maman américaine de 30 ans, est une fan absolue de l'actrice Jennifer Lawrence, trouvant qu'elle avait déjà une petite ressemblance avec la star des films de Hunger Games. Kitty a décidé de se servir de cette chirurgie esthétique pour parfaire cette ressemblance. Elle a donc passé près d'un mois sur la table d'opération afin de réaliser tous ses changements physiques, parmi lesquels une rhinoplastie, une augmentation mammaire. Coût de l'opération, 20 000 euros. Bravo! Écoute, on n'en parlera pas plus. Là, c'est un petit peu ridicule, hein, on peut le dire. Applications en technologie. Les applications sur l'iOS 7 planteraient deux fois plus que celles sur Android 4.0. Donc, ça va être pas mal la dernière nouvelle. L'étude menée par le Criterseism, montre aussi que l'iOS 7 serait le système d'exploitation le plus stable d'Apple. OK, bizarre. Les différences sont minimes, mais selon une étude, l'iOS 7, lancé en septembre, serait le système d'exploitation le plus stable qu'a réalisé Apple. Et au lancement des applications, il n'y a que 1,6% de chances de planter au lieu de 2% avec les versions précédentes. Par ailleurs, l'étude note que les applications sur iPhone sont plus stables que celles sur le iPad, mais l'iOS 7 ne réussit pas à faire mieux qu'Android 4.0, dont le ratio de plantage est plutôt à 0,7%. En résumé, les applications sur l'iOS 7 sont deux fois plus de chances de planter que celles sur le système d'exploitation de chez Google. Cette étude montre aussi que les applications de jeux vidéo, grandes consommatrices de graphisme, seraient celles qui planteraient le plus, à l'inverse des applications de e-commerce, beaucoup plus stables. Selon Criterseism, cette étude est menée sur l'utilisation de plus d'un milliard d'applications sur iOS et Android. Donc, ça nous fait une étude qui est assez fiable, hein, un peu comme l'autre, quand on a un bassin de 3,5 millions de personnes. D'habitude, c'est assez fiable. Et puis, on s'en va vraiment, on se quitte. Je veux juste vous envoyer ça. Il y a Apple qui veut toucher 40$ par smartphone Samsung vendu aux États-Unis. Je comprends pas trop pourquoi. Il doit y avoir un procès qui est en cours. Sinon, je vous propose, Google Maps vous propose d'attraper des Pokémon sur Google Maps sur votre téléphone. Et il y a Dropbox qui clarifie sa politique sur le stockage de fichiers piratés. Si vous voulez plus de détails, eh bien, rendez-vous sur la page Facebook du Dîner de Con. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de Con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Assemblage requis. François Landry qui est avec nous pour la chronique Logocratie 101. Oui, ça va? Ben oui. Est-ce que tu veux attendre que la petite chanson finisse, gars? Ben oui, écoute, elle est tellement bonne. Wow. Ah. Ah, c'est encore meilleur, je trouve. Oui, oui. Là, la chronique va être bonne. Collègue, le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. C'est Logocratie 101 avec François Landry. Oui, c'est moi. Oui. Aujourd'hui, c'est Politique Fiction. Oui. Le nouveau téléroman de... De Payette, là. Payette. Ouais. Lise Payette a fait encore des téléromans. Aucune c'était-tu... idée. Sa chambre en ville, ça? Ça? C'était pas sa fille, ça? Ah, peut-être. Ouais. Je suis mêlé. Puis Julie Payette... non, elle, c'était de la vraie fiction dans l'espace. Oh! La vraie fiction. Un écran vert. C'est un écran vert, hein? Oui. Pas vrai. Ça serait chiant pour eux. Donc, Politique Fiction, oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis pas au courant, donc je te demande de me renseigner. Ben, on parle de politique. Ça, c'est sûr, oui. Eh? Puis on va jouer un peu au Madame Minou. Tu sais, ceux qui tirent dans les cartes, là. Oui! Donc, on va faire de la fiction. 4,99 la minute. Tu t'embrasses partout. Comme vas-y. C'est pas cher, 4,99 la minute. J'ai déjà pogné du 6,99. Arrête donc! Non, mais ça, c'était à l'époque, là, le 4,99. C'est ça, là. Les années 80. C'est jadis. Ah, OK, oui, jadis naguère. Jadis naguère. Donc, c'est rendu à combien, 7$ l'inflation, j'imagine? Ben là, c'est rendu sur Internet à cette heure des forfaits qui... Hein? Hey, tu peux jouer à des gratos, ben pas des gratos, mais de la loterie en ligne. Tu peux te faire dire ta bonne aventure en ligne. Qu'est-ce qu'on peut pas faire sur Internet? Hein? Tout. Tout. Tout. On peut pas tout faire. Ah, d'accord. On peut tout faire, oui. Donc, pour revenir à un sujet plus sérieux, hein, terre à terre, parce qu'Internet, moi, je connais absolument pas ça. Ben non. Moi, c'est la vieille dactylo. Pagette, puis dactylo. Ben, ah, mais j'ai délaissé ma pagette. Non. Mon deuil m'a encore fait. Tu vas trop vite. Politique fiction. Donc, je me suis amusé à dire les élections, c'est le 7 avril prochain, donc lundi prochain. Ouais. Mais je me suis amusé à dire, le 8 au matin, qu'est-ce qui arrive? Donc, je me suis projeté dans l'avenir. Je me suis acheté un 6-49 aussi pour voir si, si les deux ont fonctionné. Donc, il y aurait 4 scénarios le 8 avril au matin. On va se réveiller avec une gueule de bois, ça, soyez-en assurés. Parce que tout le monde va partir des élections, puis très peu vont dire, yeah, je les ai gagnés. Personne ne va s'en vanter. Là, écoute bien. Donc, il y a 4 scénarios. Un gouvernement majoritaire péquiste, un gouvernement majoritaire libéral, gouvernement minoritaire péquiste et gouvernement minéral. Ah oui, ça va être bon pour la santé. minoritaire libéral, pardon. Attends, gouvernement minéral, ça va être... on va revenir sur la Périer-équation. Périer, comme bien, de l'eau. Oh, OK. Ben, très bonne, celle-là. Merci. Félicitations. Donc, premier scénario, un gouvernement majoritaire péquiste. Qu'est-ce qui arrive avec Pauline Marois? Hein? Tout le monde s'en inquiète. Ouais. Elle ne file pas ces temps-ci. Elle a la voix qui veut la lâcher. Même sa voix ne l'aime plus. Donc, comme Steph, finalement. Steph, es-tu Pauline Marois? Je ne répondrai pas à cette question sans la présence de mes avocats. Marois, Malcroix, Camaloire. J'essaie de faire un jeu de moi avec Marois encore. OK. Ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Hein, c'est Donc, Pauline Marois, elle reste. Au moins pour 2 ans. Hein? Parce que là, elle a célébré son 65e anniversaire. Ça commence, non pas à être vieux, mais ça commence à être fatigant. Le corps ne veut pas nécessairement suivre le rythme de fou effréné des politiciens. C'est malade. Hier, j'en ai rencontré quelques-uns ici sur le campus, comme par hasard. Oui, étrangement, c'est comme s'il y avait une émission de radio à 14h les mercredis qui avait invité tous les candidats. Un après l'autre. Génial. Je voyais les cernes en dessous des yeux. Ils sont fatigués. Ils m'ont avoué qu'ils ont hâte réellement que ça finisse la campagne électorale. Ils sont morts. Ben, ils sont même pas capables de te serrer la main et te regarder. Ah, ils sont comme, tu serres la main et regardes ailleurs. Comment? Je serre la main? Ouais, ça, c'est Noël Champagne que tu parles. Hein? C'est elle que tu as raccompagnée. Non. Moi, je vais le dire. Moi, okay, ouais. Moi, je le dis. Ouais. C'est sa personnalité. Donc, dans un gouvernement majoritaire péquiste, Pauline Marois reste au moins pour 2 ans, comme je le disais, avant de rejoindre les Lucien Bouchard et Bernard Landry dans le club des premiers ministres péquistes pour qui les conditions gagnantes n'ont pas été au rendez-vous. Elle remporte néanmoins le titre de première femme à avoir dirigé un gouvernement majoritaire au Québec, en plus de celui nettement moins consensuel de maire de la Charte des valeurs. Donc, elle va passer à l'histoire pour ces deux affaires-là. Philippe Couillard, lui, qu'est-ce qui arrive avec le beau Philippe? Reste et mis sur l'alternance pour être en piste pour les prochaines élections. Donc, il demeure en attente. Il est sur le banc, il réchauffe le banc pour la prochaine game. Donc, l'alternance péquiste, libérale, habituellement, c'est 8 ans un, 8 ans l'autre, on alterne. Précis? Est-ce que ça a été pas mal précis à chaque fois? C'était quasiment tout le temps ça. OK, parfait. Il y a des erreurs, des fois chronologiques comme Maurice Duplessis, mais on remonte des années 30. Mm. C'est pas pareil. Personne ne croit que François Legault aura la patience de se morfondre pendant 4 ans dans le rôle de chef de la deuxième opposition. Un vote péquiste fort lundi pourrait lui coûter son siège et faciliter son choix, parce qu'il est même pas sûr de se faire élire chez eux. Wow. Il est pas sûr du tout. Non, c'est les sondages qui ne mentent jamais, voyons donc, disent qu'il est fini loin deuxième. Mais même s'il est réélu dans l'Assomption, ça c'est à côté de Repentigny, le chef caquiste n'est pas susceptible de s'éterniser jusqu'à un autre scrutin dans 4 ans. Est-ce qu'il va demeurer deuxième chef de l'opposition pendant 4 ans de temps? C'est long, à un moment donné. Ouais. T'as une question par 45 séances, là, c'est long. T'as beau t'énerver devant les médias, mais les médias ne s'intéressent pas nécessairement à toi. Françoise David, elle, la co-chef de Québec solidaire, n'a pas voulu dire qu'elle était partante pour un mandat de 4 ans. Dans une entrevue à la presse, elle a dit... Je vais me faire élire, mais je peux pas garantir que je finis mon mandat. Parce qu'elle a 66 ans, elle aussi, elle commence à être fatiguée, de la, non pas de la politique, mais du rythme effréné, comme je le disais en ouverture. Donc, c'est rough. Elle aurait 70 ans à la fin de son mandat. 70 ans pour un politicien, à part quand tu fais juste acte de présence puis tu piques un petit somme à l'Assemblée nationale, t'as plus beaucoup d'énergie. Je me rappelle l'époque où Françoise David était Françoise la remplie, puis c'était une belle époque, tu sais. Astor et David, t'sais. Avec un tas rempli, David. Je vais la noter, celle-là. Merci. Donc, un gouvernement majoritaire libéral. Admettons, là, c'est Philippe Couillard qui gagne. Majoritaire. Philippe Couillard reste pour un mandat complet. Oh, il va sentir. Et jusqu'à preuve du contraire, même de nouveau, il va mener ses troupes en 2018. Donc, il va passer un 4 ans agréable. Majoritaire, tu fais ce que tu veux au Québec. T'as pas besoin de t'as des comptes à rendre, mais peu importe, tu demeures le boss. T'as le paiement préautorisé. Oh, oui, t'as des comptes à rendre, mais t'as le paiement préautorisé. Tout à fait, tout à fait. T'as bien résumé la politique. Ouais. À part Lucien Bouchard, qui a fait un seul et unique mandat à Ottawa comme à Québec, les chefs victorieux ont tendance à se représenter aux autres élections. Pauline Marois, elle, qu'est-ce qui arrive? Elle s'en va, tout simplement. Sinon, le soir même... tout au moins relativement à brève échéance. Parce que dès le 7 avril, si Pauline Marois perd, une course à chefferie se déclenche le 7 au soir, avec des coups de couteau dans le dos pour tout le monde. Donc, Pierre-Carl Péladeau, est-ce qu'il va se contenter d'être un 5 député? D'après moi, il va viser le top. Oui, tout de suite, hein, lui, commence en bas de l'échelle, le gars. Jean-François Lisée, que son ego est plus gros que son portefeuille, va dire, lui aussi, il se présente comme chef. Bernard Drainville, Bertrand Saturneau, peut-être même Pierre Duchesne, voudront se battre jusqu'à temps que mort s'en suive pour devenir chef du PQ. Donc, pour les 2 prochaines années, le PQ pourrait être à l'agonie totale. François Legault, lui, dans l'hypothèse d'une victoire libérale, il est encore plus probable que le chef de la CAQ se réveille député de l'Assomption de par le jeu des divisions du vote. Donc, et avec cette victoire-là, il pourrait patienter. Il pourrait dire « J'ai quand même gagné, libéral majoritaire, le PQ va s'auto-mutiler, s'auto-détruire, donc la CAQ pourrait juste monter. » C'est un calcul simpliste, mais... Mais c'est la force de la CAQ. Je sais pas. Je t'approuve. Françoise David, si le Parti québécois mordait la poussière la semaine prochaine, cela pourrait vouloir dire que QS a récolté toute la frange gauchiste ou gauchissante du PQ, donc qui pourrait aller à QS. Donc, si le PQ s'effondre, QS pourrait dire « Hey, nos portes sont ouvertes, venez-vous-en chez nous. » Come on down! Donc, le Titanic sombre, venez des bateaux, les canaux de sauvetage, vous allez être... Secouru. Voilà. Comme la belle Blanche dans Titanic. Ah oui. Ça, Blanche. Ouais. Blanche? Je sais pas. Kate Winslet, hein? C'était pas Rose. Rose! Ouais, je t'approche. Bleu, violet. Je t'approche. Couleur de fille. Couleur. Donc, gouvernement minoritaire péquiste. Parce que ça aussi, c'est fort probable. Ce n'est pas la première fois que l'électorat se retrouve de retour à la case départ au terme d'une campagne. Au fédéral, le Canada a eu 3 gouvernements minoritaires successifs entre 2004 et 2011. Est-ce qu'on en est mort? Non. Non. Hein? Moi, honnêtement, personnellement, je préfère des gouvernements minoritaires. Ah oui? Ils sont obligés d'aller voir les autres partis pour dire « Mon projet de loi, je veux qu'il passe. Peux-tu m'aider à le faire passer? » Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que l'opposition dit « Change 2-3 virgules, puis je t'appuie. » Donc, c'est beaucoup plus consensuel, c'est beaucoup plus représentatif de la population. Parce que là, si c'est le parti Mathieu Plante dit « Moi, je suis majoritaire, je fais ce que je veux. » On s'entend-tu qu'on va avoir le Wi-Fi partout dans nos oreilles à 24h24? Quel bon exemple! Si t'es obligé de faire alliance avec moi, je vais te dire, Mathieu, tu peux me mettre le Wi-Fi, mais en longtemps que tout le monde ait des pagettes. Hein? Ben là, oui. Tu vois, Mathieu va te dire, ben, je suis d'accord. Ben, d'accord. Donc, tout le monde des pagettes, tout le monde le Wi-Fi. OK. Hein, le meilleur des mondes. Allons-y. On fait ça quand? Le 8 au matin. 8 au matin. Le 8 au matin. C'est un rendez-vous. Ouais. Ouais. Donc, minoritaire, Pauline Marois devrait néanmoins réfléchir à son avenir avant que des aspirants à sa succession ne le fassent à sa place. Parce que même minoritaire, c'est une défaite pour Pauline Marois parce qu'elle n'aura pas pu mener son gouvernement une fois de plus à la majorité. Ouais. Donc, donnée gagnante au déclenchement de la campagne, on le voyait dans les sondages, puis on l'a vu ici, qu'elle était... Donnée gagnante, même pas besoin de faire la course. T'sais, c'est la tortue et la lièvre. Le lièvre est parti, la tortue a pris son temps. Mais finalement, le lièvre a arrêté sur le bord de la route, a brouté un peu, puis la tortue a continué son petit bonheur de chemin. Et c'est la tortue qui a gagné. Mm-hmm. Donc, Pauline Marois a brouté du gazon. Hein? Morale de l'histoire. Bon, ce sont les grands titres du Journal de Montréal. Elle aura brouté du gazon. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que le PQ a tout misé sur une campagne hâtive. Donc, on fait ça short and sweet. Oui. Mais en cours de route, il a également subi toute une douche froide sur le front de ses ambitions référendaires. Avec le point levé de Pierre Calpelado, le référendum est revenu à l'agenda médiatique. En plus, personne ne peut exclure que des témoignages à la commission Charbonneau portent ombrage au parti au cours du prochain mandat. Donc, minoritaire, la commission Charbonneau commence à taper ses doigts. Tu perds des joueurs, tu deviens doublement minoritaire. C'est dangereux qu'il y ait un renversement du pouvoir. Ou si Pauline Marois est entachée par la commission Charbonneau, je ne dis pas qu'elle pourrait l'être, mais éventuellement, peut-être que quelqu'un pourrait sortir un lapin du sac, du chapeau, et là, éclabousser, obligé de démissionner, le gouvernement perd la confiance de la Chambre, l'opposition, donc pourrait faire appel au lieutenant-gouverneur pour dire « on veut former le gouvernement à la place du gouvernement ». Donc, c'est un putsch démocratique, légal. L'expérience de Paul Martin à l'époque de la commission Montgomery au fédéral a démontré que c'est le genre de dynamique qui est garante de la fragilisation accélérée d'un gouvernement minoritaire. Donc, plus t'es minoritaire, plus t'es proche du siège éjectable. Et Paul Martin l'a subi avec la commission Montgomery, il a été entaché, donc son gouvernement s'est précipité vers le précipice. Philippe Couillard, lui, qu'est-ce qui arrive avec lui? Il restera en poste et disposerait d'au moins 18 mois pour asseoir son autorité sur le PLQ et renouveler son parti. Un gouvernement minoritaire, je vous le rappelle, c'est de 18 à 24 mois d'espérance de vie. Donc, tu as au moins 18 mois pour dire « OK, on a perdu, mais c'est pas grave, là, je suis le boss. Là, tout ce que vous m'avez conseillé, c'est pas bon, c'est moi le boss. » On repart à zéro. On repasse à go. François Legault, justement, pourrait, s'il restait, être un joueur important à l'Assemblée nationale, à moins que la CAQ n'ait progressé en termes de sièges. Cela ne le retiendrait pas nécessairement en politique, mais son successeur hériterait d'un rôle plus actif que dans un scénario majoritaire. On imagine mal M. Legault acceptant un rôle de soutien dans un gouvernement de coalition PQ-CAQ. Il a déjà joué dans ce film-là comme premier ministre péquiste. Comme ministre péquiste, pardon. Donc, alliance PQ-CAQ, oubliez ça, j'y crois pas du tout. Donc, imaginez dans un gouvernement minoritaire, le PQ fait appel à la CAQ pour les supporter. Ça se chamoillerait beaucoup plus que d'autres choses. Deux coqs dans un poulailler, habituellement, tout le monde perd des plumes. Françoise David, elle, le meilleur scénario pour QS lundi prochain serait de se retrouver avec la balance du pouvoir. Ça veut dire que ça prend 63 sièges pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. Le PQ finit avec 61 sièges. QS avec 2 sièges. À eux deux forment la majorité. Donc là, QS pourrait dire toutes vos politiques sociales, tout l'environnement et tout ça. Si vous voulez passer, on vous appuie. Si vous allez à l'encontre de ça, on défait le gouvernement. OK. Tu vois le jeu un peu, là? Disons que Françoise va pouvoir chanter Living David Aloka. Living David Aloka. David. T'es en feu à matin, Mathieu. Fais 3 mois que tu sors. Coup sur coup, merci. Là. C'est rare que tu me dises ça. C'est ouais, rare. Non, mais me prends en note pour tes meilleurs moments de la merci, semaine. Merci, c'est déjà fait. À noter que QS a déjà rejeté l'hypothèse de participer à un gouvernement de coalition avec le PQ. Donc, ils veulent pas être avec eux, mais ils peuvent être partenaires. C'est pas pareil. C'est comme un gars et une femme qui se tiennent la main dans la rue puis ils ont bien du fun. Jusqu'au jour du mariage. Le mariage, c'est... Finalement, c'est des fuck friends. Non. Friends with benefits. Il y en a qui se font fourrer. Ça, c'est clair. Hein? Bon, soyons polis. Donc, quatrième scénario, un gouvernement minoritaire libéral. C'est de plus en plus de lui qu'on parle présentement. Tous les sondages, il y en a un autre qui est sorti ce matin même. J'ai pas les chiffres parce que j'ai pas eu le temps de l'analyser. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. C'est tout chaud encore. C'est tout chaud. J'avais pas mes mitaines de faux. qui donnait gouvernement de Philippe Couillard, assurément. Ah, minoritaire, oui. Majoritaire. Pas sûr, mais ça frôlerait le minoritaire de par la dispersion du vote dans les régions. Donc, une victoire du PLQ, même partielle, serait un gain important pour Philippe Couillard, qui aurait réussi à ramener le parti au pouvoir du premier coup. Tu sais, il s'en va au bâton, frappe un circuit. C'est moi la vedette du match. mais il aurait tout un casse-tête à gérer pour assurer une cohabitation à quatre partis visibles pour son gouvernement à l'Assemblée nationale, surtout si seulement quelques sièges le séparent du PQ. Donc, si tu as un ou deux sièges, tu te tiens tranquille pour être sûr qu'il n'y ait pas de députés qui démissionnent en cours de route, parce que, encore là, tu es à 61 sièges, tu es minoritaire, tu perds des députés, donc l'opposition prend de la force nécessairement. Donc, ça pourrait devenir une année à égalité. D'autre part, il y a la commission Charbonneau, faut pas l'oublier. Hein, Jean-Philippe pourrait nous en parler abondamment. Il est en vacances présentement pour justement gérer son dossier. J'imagine. On imagine qu'il dort aussi. Il travaille le lundi et mardi, assez fou, mais le reste de la semaine... Il fait la commission Charbonneau. OK. Donc, la commission Charbonneau qui pourrait faire passer un mauvais quart d'heure au PLQ. Pour un chef néophyte comme Philippe Couillard, dont l'instinct politique a été jusqu'à présent à géométrie variable, la commande serait grosse. Parce que Philippe Couillard, son gros défaut, c'est qu'il réagit très mal à l'actualité. C'est, il réagit, puis après ça, il envoie un communiqué de presse ou quelque chose là pour dire « c'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est pas de main qu'il a réfléchi, on va refaire une autre conférence de presse, s'il vous plaît. » T'es mieux de penser faire ta conférence de presse après, c'est ça? Phil Couillard, lui, c'est son instinct, des fois, le trompe. Action-réaction. Voilà, avec Pierre Lalonde. Oui, c'était la référence que j'avais. Voilà. Pauline Marois verrait son avenir défiler derrière elle, quelle que soit la marge de manœuvre de son parti après le 7 avril, évidemment. Même avec seulement quelques sièges en moins que le PLQ, on imagine mal Mme Marois réussir à s'entendre avec la CAQ ou Québec solidaire pour s'installer au pouvoir à la place des libéraux. Donc, avec QS et formellement, pas interdit, mais formellement rejeté du revers de la main, avec la CAQ, comme je disais, François Legault va-t-il vouloir signer un pacte du diable avec Pauline Marois, sa pire ennemie politique ces temps-ci? Je ne croirais pas, donc le PQ serait cantonné dans l'opposition. Pour le PQ, la priorité serait sans doute de s'assurer qu'un successeur soit en selle à temps pour une élection éventuelle à brève échéance. Donc, Pauline Marois sera obligée de démissionner pour renforcer le Parti québécois, pour relancer la machine péquiste. Comme disait le lapin qui a brouté sur le bord de la route, il pourrait être remplacé par un gros matou là, qui pourrait manger la tortue. Si le résultat était serré, François Legault accepterait-il un rôle dans un gouvernement dirigé par Philippe Couillard, histoire de stabiliser l'Assemblée nationale pendant quelques années? Point d'interrogation. On n'a pas la réponse personne. À l'époque de la fondation de la CAQ, il avait tenté en vain de convaincre le chef actuel du PLQ de se joindre à sa nouvelle formation. Donc, il y a quand même des accointances entre Legault et Couillard. Point de vue, vision de l'avenir du Québec. C'est-à-dire à peu près nul. On voit demain, on voit pas après-demain de ça. Certains de ces députés de premier plan sont foncièrement fédéralistes. Faut pas oublier ça non plus. Ce sont des anti-souverainistes, donc beaucoup de caquistes pourraient aller voir au Parti libéral pour dire « je suis sur un transfuge », donc pourraient donner la majorité au Parti libéral par cette manière-là. Pour autant, le chef de la CAQ a dit beaucoup de choses sur l'intégrité du PLQ ces dernières années et cette intégrité deviendrait son problème s'il coalisait son parti avec le PLQ. Enfin, le partenaire junior d'une coalition fait généralement les frais de l'opération aux élections suivantes. Donc, la CAQ qui dit au PLQ « je vous donne tous mes appuis », aux prochaines élections, on dirait « là, la CAQ, c'est une... pas une pute, mais une légère, un là, peu. Ouais, c'est ça. Ouais. » Fait qu'il voterait pas pour eux, il voterait libéral, parce que tout a fonctionné très bien. Donc, la CAQ pourrait pas attaquer le PLQ aux prochaines élections, parce qu'il s'auto-attaquerait. Donc, c'est toujours touché de faire une coalition. À moins que tu fasses comme QS, tu dises « tel projet de loi, je l'appuie, mais les 30 autres, il n'y en a pas. » Pas le parti au complet. Ouais, voilà, okay. Tout à fait. Donc, on finit avec Françoise David de Québec solidaire. Elle ne conclura jamais de pacte de non-agression ou de collaboration avec un gouvernement minoritaire. Jamais. Hein? À mercredi, puis Gaétan Barret, je suis pas sûr qu'ils s'aiment la face. C'est ça. Hein? Pas sûr du tout. Mais comme dans le scénario minoritaire péquiste, QS trouverait évidemment son compte à disposer de la balance du pouvoir. Comme on disait Mathieu, Si t'es un petit peu vert, on va te l'améliorer puis on va voter pour, donc tu pourras voter. Mais par contre, on va quand même s'octroyer le droit de te critiquer sur toutes les autres politiques de ton gouvernement. Donc, US, dans les quatre partis à l'Assemblée nationale, qu'ils soient minoritaires, ceux qui ont le gros bout du bâton, en quelque sorte, et qu'ils soient majoritaires, ils pourraient juste continuer à s'en lancer puisqu'ils pourraient continuer à attaquer les autres partis politiques. Donc, le 8 au matin, on va se lever d'un avec un mal de tête, un mal de bloc. On va déçu de nos élections, évidemment. Pas de Bloc québécois, parce que ça, c'est... Ça, c'est déjà mort. C'est les aspirants ont fait leur job là-dessus. Mais on verra aussi quatre scénarios, donc les quatre que je vous ai énumérés ici. Je suis pas Jojo Savard. Je sais pas ce qui va arriver. J'ai pas mes entrées dans les partis politiques, quoique j'en connais beaucoup. Mais c'est quand même les quatre scénarios les plus probables qui pourraient arriver. À moins que tous les sondages aient menti que la CAQ arrive majoritaire le 7 avril prochain. Là, c'est clair qu'il y a plus qu'un mal de bloc. Là. Il y a vraiment une régurgite aiguë qui va s'opérer. Des deux bouts. Des deux bouts, oui. On verra bien. Ce serait drôle si Amir Kadir, mettons Québec solidaire, mettons que les élections avaient lieu le mercredi, tu pourrais dire mercredi prochain, Amir Kadir prochain. Oui, Amir Kadir prochain. Déjà, t'es fait, ça, non? Non, ben, quand même bien. OK, merci. Hein? Bien. Sur un niveau de 0 à... T'en as 3,5 de bon aujourd'hui. David Lalocca. Merci, François Landry. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. On se retrouve toujours jeudi prochain. Ouais, monsieur, avec peut-être un mal de bloc passager. C'est ça, tu vas nous amener ta prescription. Waouh, wow, ça pourrait être pas pire, ça, hein? Docteur Landry. Porte un sarrau. Tu sais, cette semaine, t'aurais dû porter une grosse brassière, une perruque blanche. Ben, ouais, blanc. Avec des grands ongles défraîchis. C'est ça, ouais. Gros rouge à lèvres partout. Puis la semaine prochaine, un sarrau, puis un petit macaron. Tu sais, genre, je suis ici pour vous servir, demandez-moi des informations sur le Viagra. Genre, quelque chose comme un médecin, je sais pas. OK. Quelles sont les redevances de Viagra? Je sais pas. Aucune idée. Je connais pas ça. Je vois pas. Non plus. Donc, à jeudi prochain, 8h30. Hein? Oui. Il est laborieux comme fin de chronique, ça. toujours à assemblage requis. Dans quelques instants, ce sera la bouffe de la semaine, Steph. Oui. Tu vas ouvrir ton sac d'épicerie, qui est aussi ta sacoche, en fait, parce que tout rentre là-dedans. Une grosse vieille sacoche. Sacoche de madame. Il y en a des affaires là-dedans. J'imagine. On pourrait faire une montagne sur la table avec chaque article que t'as dedans. Tu veux qu'on fasse une chronique là-dessus? Ouais, la sacoche de la semaine. Ça va être sacoche, moi! Non. Voici Sebastian Granger, c'était très mauvais. Voici Going With You. Sur C'est Fou! 89.5. Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cifou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et pourquoi pas, tiens, on va commencer avec cet homme, Chris Dancy, qui serait, en tout cas, qui se dit l'homme le plus connecté du monde. C'est à peine croyable, un Américain du nom de Chris Dancy transforme toute sa vie en données quantifiables. Je vous invite à découvrir son histoire que je vous envoie à l'instant. Donc, Chris Dancy n'est pas comme tous les autres, il est en permanence connecté partout et en tout temps. Chris Dancy porte une armada d'appareils technologiques pour mesurer et quantifier chacun de ses faits et gestes, même ceux sur lesquels il n'a aucun contrôle, comme la température de son corps ou même ses cycles de sommeil. Cette incroyable aventure a commencé il y a 5 ans. Le constat était simple. Il passait, comme la plupart d'entre nous, son temps à mettre en ligne des informations le concernant pour en finir à cela. Eh bien, Chris Dancy a alors décidé de collecter et de contrôler lui-même toutes ces informations possibles et inimaginables à son sujet. À 45 ans, cet employé américain de la société BMC Software assure être suivi quotidiennement par un minimum de 300 systèmes de données. Un choix de vie qu'il ne regrette absolument pas puisqu'il affiche fièrement une perte de poids spectaculaire due, selon lui, à la meilleure connaissance de son corps et de ses besoins. L'ultra-contrôle qu'exerce Dancy sur lui-même n'a aucune limite. Il a également décidé de traquer son chien afin de connaître en temps réel ses activités physiques et ses besoins. Chris Dancy pense aujourd'hui que son mode de vie si spécial est le futur de l'humanité. De nombreuses personnes m'ont dit vouloir le faire ou travailler dessus, mais personne ne l'a vraiment encore fait, s'étonne Chris Dancy. D'ici quelques années, espère-t-il, il sera même plus obligé de porter des appareils, mais ceux-ci se trouveront directement dans les vêtements. Oui, hein, c'est ce qu'on apprend en ce moment, de plus en plus de vêtements connectés. Reste tout de même que l'homme ne peut aujourd'hui plus se passer de cette technologie qui le coupe durablement de toute forme de spontanéité. Pas sûr que cela plaise à tout le monde. Et moi, je suis le premier à trouver ça d'un ridicule assumé, au moins. Ça, c'est bien. Alors, vous, ça vous intéresse d'être connecté comme ça? Ben, tant pis pour vous. Tiens, on parle de gens ici qui n'avaient rien à faire après-midi et puis ils ont décidé de transporter une maison à main nue. Hein? C'est assez particulier. Donc, avez-vous déjà vu 80 Amish déplacer une maison? Vous pensez que cela est impossible? Alors, regardez cette vidéo incroyable qui nous montre ici un groupe d'hommes soulevant une maison en bois pour la déplacer quelques mètres plus loin sur un emplacement qui était prévu à cet effet. Communauté anabaptiste présente en Amérique du Nord et aimant vivre de façon simple, les Amish revendiquent volontiers leur hostilité face au progrès. Et ça, c'est tout à leur honneur, hein, avec des trucs comme on vient de voir notre homme connecté. Donc, vivant à l'écart de la société, cette communauté se trouve des racines dans les communautés anabaptistes pacifiques installées en Suisse et comptait en 2013 plus de 281 675 membres répartis dans 30 États des États-Unis. Née dans le courant du 16e siècle, lors de la réforme protestante, cette communauté désireuse de revenir à des valeurs essentielles en matière de religion et de vie sociale vit aujourd'hui, au 21e siècle, toujours à l'ancienne. Dans une Amérique à la pointe de la technologie et des sciences, les Amish refusent le progrès technique et le confort qu'ils procurent, en particulier l'usage de l'électricité, préférant croire en un mode de vie traditionnel, modeste et simple, sillonnant les routes en carriole tirée par un cheval. Les Amish portent également tous le même habit pour renforcer leur unité et cette idée d'appartenance à un même groupe. Qui dit refuge du progrès dit aussi évidemment refus de faire des appels aux machines modernes. Lorsqu'il s'agit de construire leur propre maison, leur maison, oui. Voilà très certainement pourquoi un groupe constitué de 80 hommes a été filmé en train de déplacer une véritable maison à seule force de leurs bras, juste pour la changer d'endroit. OK, mais si on les a filmés, et ça doit être fait avec un téléphone, ils ont de la technologie. Hein? Non, mais quand même. Un peu bizarre, hein? Tel un mille pattes, cette maison semble ici avancer toute seule, portée par des individus qui ont tout de même su prospérer au fil des ans dans un monde où l'évolution et le progrès semblent inévitables. Et même pour eux, parce qu'ils ont quand même posté un film sur YouTube. Ben, c'est ça, hein? C'est un peu bizarre pour des gens qui se disent complètement retirés de la vie moderne. Tiens, une nouvelle hier que j'avais passée sous silence par manque de temps, parce qu'elle n'est pas non moins intéressante. Ivre, un homme, oui, tombe la tête première dans un trou et se retrouve coincé entre deux maisons. OK, c'est un drôle de cas que les pompiers de Trogren en Chine ont eu à traiter jeudi dernier après avoir reçu un appel désespéré au cours de cette intervention singulière. Les secours ont eu à extraire un individu tombé la tête première dans un trou et incapable de pouvoir s'en extraire seul. Lorsque les pompiers ont décroché leur téléphone ce jeudi 27 mars vers 23 heures, ceux-ci ont certainement cru d'abord à une blague, mais fort heureusement pour eux, ces derniers ont toutefois préféré prendre l'alerte au sérieux lorsqu'ils ont appris qu'un homme Yves était tombé dans un trou et était parvenu à se coincer la tête entre deux façades de maison. Mal barré, c'est le cas de le dire. Arrivé un peu de temps après sur les lieux de l'incident, les hommes de la caserne de Trogren ont en effet pu constater l'homme ivre et avait réussi donc à se bloquer la tête et la moitié des épaules dans un mince interstice et se trouvait à présent à la verticale, les jambes en l'air. Oh! Sans perdre un instant, les pompiers se sont à la suite de cela empressés de dégager l'infortuné quinquagénaire qui avait réussi à se glisser, on ne sait trop comment, dans un trou profond de 2 mètres et large de seulement 20 cm. Habitué dans de pareils cas à casser les murs pour dégager le corps des victimes, cette fois-ci, les pompiers ont toutefois préféré procéder autrement pour ne pas risquer de blesser la personne à secourir. Après avoir solidement attaché une corde au pied de la victime, les pompiers sont parvenus à hisser le corps du quinquagénaire tout en faisant bien attention à protéger sa tête. Durant près de 20 minutes, les pompiers ont ainsi tout fait pour sortir cet homme de son trou et lui rendre enfin sa liberté. Conduit après coup à l'hôpital pour des examens, il a été constaté que l'homme ne souffrait que de légères ecchymoses sur la tête, mais ne présentait en revanche aucune blessure sérieuse. On remercie l'alcool, hein, qui a quand même, je pense, aidé à ne pas se faire trop mal. Les gens qui sont très, très sous, là, souvent vont beaucoup être moins blessés. Parce que c'est comme, je sais pas, ils sont plus mous. C'est comme dans des accidents de voiture, ça arrive la même chose. Les gens sont tout le temps un peu moins blessés parce qu'ils étaient sous. C'est pour ça que souvent, tu as des hommes, et ce qui est malheureux, là, des hommes qui vont genre provoquer la mort dans un accident où l'alcool est en cause, puis eux, ils s'en sortent très bien. Alors, c'est un peu ça qui peut être plate, hein, quand même. Ici, ah, là, je vous envoie du bonheur en images, mes amis, c'est génial. C'est la sublime Emma Frain qui joue à la Wii en bikini. Pour les besoins du magazine britannique Zoo, le mannequin anglais Emma Frain a accepté de s'exhiber en bikini en train de jouer à la Wii. Alors, ça nous laisse l'occasion de belles images, hein, habituée à poser en petite tenue et en véritable star du net pour des photos pour le moins sexy qu'elle a coutume de publier le mannequin britannique Emma Frain. Oui, c'est une fois de plus laissée tenter par l'expérience torride proposée par le magazine Zoo. Donc, jouer à la Wii en bikini. Et pour le plus grand bonheur de nous-mêmes, hein, messieurs, allez voir ça. C'est majestueux. Donc, s'essayant à Wii Fit, le jeu disponible sur les consoles de Nintendo qui permet de faire du sport tout en s'amusant, la jeune femme nous laisse ainsi découvrir sa plastique de rêve lorsqu'elle se déhanche au rythme des exercices de fitness. Je vous le dis, c'est un petit une ou deux minutes de pur bonheur pour l'œil et pour le cœur, je vous le dis. Allez voir ça, cette sublime Emma Frain. Je ne la connaissais pas, cette dame. Sinon, on s'en va ici dans un autre ordre d'idées, tout à fait. On parle quand même de femmes, on parle de gens, on parle de cet homme qui a annoncé rechercher une femme blanche car le Front National, le FN, est au pouvoir, ça c'est en France. Donc, au soir du résultat des élections municipales, le 30 mars dernier, un jeune homme s'est rendu dans le métro parisien pour faire une annonce pour le moins inattendue. Hein? Si l'UMP est la grande gagnante des élections municipales, le FN peut également se targuer d'avoir raflé une dizaine de mairies, réalisant même le meilleur score de son histoire. Selon Florian Philippot, le bras droit de Marine Le Pen, une montée en puissance qui fait quelques inquiets, comme cet homme qui, suite à une annonce des résultats, n'a pas hésité à faire une drôle d'annonce en plein métro parisien. Donc, les voyageurs de cette rame ont dû être surpris lorsqu'ils ont vu cet homme débarquer et se présenter sur son fait, car il n'est pas rare de voir des scènes pour le moins plus ou moins farfelu dans le métro. Cette annonce a tout de même de quoi surprendre. Celui qui dit s'appeler Saga Love commence ainsi par entretenir l'attention avant de se présenter. Il dit « Attention, j'ai 20 ans, je mesure 1m79, je ne pète pas, je ne ronfle pas, je n'aime pas regarder le foot et je suis attentionné. » On se doute alors où veut en venir le plaisantin et la confirmation arrive un peu plus tard lorsqu'il annonce rechercher une femme blanche. Mais c'est la raison invoquée qui surprend tout le monde et déclenche les rires de son auditoire. Vous savez que le FN prend le pouvoir, alors j'aimerais me marier rapidement avec une femme blanche, déclare-t-il avant de distribuer des tracts comportant ses coordonnées, tout en précisant que la place est limitée, mais son numéro est bien loin de l'être terminé. Il dit « Je sais que dans le wagon, il y a beaucoup de femmes célibataires et beaucoup de femmes qui n'ont jamais atteint le septième ciel », plaisante-t-il devant les regards amusés des voyageurs qui commencent à cerner le personnage. « Je suis ce jeune homme de 20 ans qui vous amènera au septième ciel, mais pas besoin de prendre la compagnie Air France », vante-t-il alors encore sans gêne ce beau gosse chocolat avant de signaler qu'il accepte les femmes entre 26 et 60 ans. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, conclut-il avant de repartir comme il était venu. Comédien parisien, en réalité, le jeune homme est loin d'être à son premier coup d'essai et s'est fait reconnaître en réalisant des clips, notamment visibles sur sa page Facebook. Les liens sont tous disponibles sur notre propre page Facebook, les amis. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.